Geek Avenger, votre émission, si vous l'acceptez, est d'informer le monde entier sur la pop culture d'ici et d'ailleurs. Vous disposerez de casques, de micros et d'un rayonnement international avec la couverture d'une des stars. C'est pas un peu trop leur demander d'informer 8 milliards d'humains et de couvrir l'intégralité des films, des séries, des mangas, de la musique, des jeux vidéo, tout ça, tout ça? Bah, c'est les Geek Avengers ou c'est pas les Geek Avengers? Eh bah si, c'est les Geek Avengers sur Indestar. Oh là là, et ça y est, Thierry arrête commence déjà plaît. À faire son pika. Donc... Caca. Donc ce soir, on a Thierry qui est avec nous, comme toujours. Caca. Ah bah, c'est pas grand-chose qu'il dit d'autre. On a également Daniel qui est là, toujours au bouton, toujours présent. Bah oui, j'ai des boutons, qu'est-ce que vous voulez, hein. J'ai pas de chance dans la vie. Mais on a quelqu'un d'autre avec nous ce soir aussi, on a Jade. Je suis là, bonjour. Bonjour Jade. Bonjour, c'est moi, je suis là. T'es sûr? Bah oui, mais je suis là. On a également Bébert qui est juste devant toi. Oui, il est quick, là. Quick, quick, quick. Pour faire les bruitages. Et évidemment, on a le petit Pika qui est là pika, aussi. Pika, Pika, Pika. Arrête, Pika, Pika. Quick, quick, quick. Non mais c'est bien, c'est qu'on a, le parolier de Pika et de Bébert en plus. Ouais, c'est quand ça. Même bien. Hein. Pika, ouais. Quick. Thierry, c'est le fait qu'on va parler d'un monument du cinéma français qui te met dans cet état-là. Un monument à la Tour Eiffel. Alors, du cinéma, je suis pas sûr. Quelque mais... part, c'est peut-être une Tour Eiffel du cinéma peut-être, quand même. Hein. Ouais, va savoir peut-être. D'une certaine façon, c'est pas impossible. Hein. Et de la technologie c'est de pointe. Peut-être pas con, ouais, quand même. Mais oui, donc ce soir, on va parler de Louis de Funès un petit peu. Ouais. Fufu. Fufu. Le petit Fufu. Tu l'appelles Fufu, toi? Eh ben, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Ah, ah bon bah oui. T'avais qu'à faire des recherches, mon garçon. Alors, j'en ai fait, mais pas sur ça. Donc oui, ce soir, nous allons parler de Louis de Funès, donc un petit peu les choses pas trop connues et d'autres un peu plus connues. Oui, j'étais en train de galérer pour trouver mes mots. Oui. Je savais plus quoi dire. Forcément. Non, je me disais pas trop connu comme Kevin. Et très connu comme Louis de Funès. Voilà. Non, je voulais pas te dire comme Daniel, vu que t'en... Non, pas... mais j'espérais quand même. Hein. Bon, c'est l'avenir. Moi, je suis l'avenir. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est en train de se développer. On a un Daniel podcast quand même. Hein. Oui, ouais, c'est ça vrai. Ça va arriver. Ouais. Oui, oui. On l'a tellement réclamé, ce truc-là, l'année dernière. Et on va l'avoir. Oui. Ça y est, c'est arrivé. On l'a même. Hein. On l'a, oui. Le Daniel podcast. Mais on n'est pas là pour parler du Daniel podcast. Non, on en parlera une autre fois. Ouais. Oui, on est là pour parler de Louis de Funès, plutôt. Notre fifi. Et on aurait pu l'appeler Petit Louis, parce que vraiment... Oui, c'est vrai. Il est pas grand. Ouais, c'est vrai. Mais il est vaillant. Il est vaillant. Ça, non, ça a c'est servi à ça. Quelque chose au fait qu'il ne fasse pas son service militaire et qu'il ne participe donc pas à la guerre. Mmh. Il avait une trop petite taille pour être enrôlé. C'est triste. Ouais, on l'aurait peut-être pas eu après. Hein. Ouais. Qui sait? Sachant qu'il savoir, est né en 1914, bon, on n'allait pas bébé le faire participer à la première, mais la deuxième, bah, oui, ça aurait pu. Bah, oui. Oui, ça aurait pu, oui. Oui, c'est vrai que oui. En effet, en comme effet. Il dirait dans la grande vadrouille, 4 ouais. ans la première, c'est ça? Ouais. Par contre, oui, il a fait la grande vadrouille. Hein. Il n'a ouais. pas fait la vraie, mais il a fait la suivante. Hein. Qu'est-ce que c'est tu veux? Bah, oui. Ouais. Après, de toute façon, il aura fait tellement de Funès que... Oui, d'ailleurs, j'ai compté. Bon, c'est vrai qu'il a d'abord commencé par des petits rôles, parce que... Ouais. Bah, au début, ouvrir c'était... et fermer des ouais. portes, paraît-il. Par exemple. Ce qui fait quand même un total de 143 films à son actif. Oui. Tant que ça? Oui, bah oui, il y a beaucoup de petits rôles. Donc, il était un jour à un endroit, un jour ailleurs. Ouais, un autre jour ailleurs, et puis un bah, autre forcément, c'est. Oui. Un jour faire ailleurs. Ça, ouais. Faut pas se plaindre. Hein. Oui, comme disait Thierry, il est parti le faire ailleurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand même, il y a 11 de ces films qui ont fait de plus de 5 millions d'entrées au cinéma. Sachant que à l'époque, la France était presque à moitié peuplée que maintenant. On peut imaginer que maintenant il aurait 11 films qui auraient fait plus de 10 millions d'entrées. Bien plus, oui. Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant de ces films, il y a La Grande Vadrouille, on en parlait juste un instant, oui. Qui est resté longtemps en tête du box-office en nombre d'entrées. Donc c'était en 1966 avec 17 300 000 entrées. Ouais. Il n'a été battu que par Titanic en 97. Hein. Ah bah oui. Ouais, donc oui, il a fallu attendre un bon moment avant que La Grande Vadrouille. Ça l'a coulé. Hein. Ah, pas complètement, parce qu'il a quand même trois films qui trois autres films qui sont dans le top 100. Donc ça a fait 4 films dans le top 100 des plus grands nombres d'entrées au cinéma français. Oui, et puis ouais, moi j'adore, je me dis même quand on parle de films moins connus comme alors attends, je t'en ai parlé Sur un arbre perché, voilà. Ouais, des films moins connus, oui. Mais on se dit oui, mais alors c'est parmi ceux qui ont moins bien marché parmi les mieux, mais 1 200 000 entrées, bon ouais, oui. Voilà. Il y en a d'autres qui n'ont pas marché derrière. Ouais, c'est ça, il y en a qui totalement flambé. Oui, vous savez le court-métrage dans lequel j'ai tourné, on n'a pas fait 1 200 000 entrées. Hein. Mais ça, on espère. Non, mais après, nous aussi on fait des vidéos actuellement vu qu'on est en live sur Twitch aussi. Ouais. Ah, salut les Twitchers et Twitcheuses. Oui. Hello, hello. Alors, on dit plutôt les viewers, Thierry. Oui, les viewers. Ça ne marche pas. Non, mais c'est comme au jeu de cartes, il y a des Twitchers et des Twitchers. Pourquoi pas? Alors, c'est bien parce que comme ça, c'est la première fois qu'on peut admirer Jade en direct. C'est vrai. Voilà. C'est quand même. Vous me voyez enfin. Ah bah là, je te vois pas, j'ai piqué de chou. C'est bien d'avoir piqué quand même devant, comme ça. Bah, j'ai l'impression que Jade a des cornes, mais. J'ai des petites cornes comme ça. Je voulais savoir s'il y a un film de De Funès ou une réplique qui vous a marqué. Ouais. Ah bah vas-y, Jade, alors. Oui, alors, vas-y. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la réplique du. Dites You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Là, c'est ma préférée. Je suis un peu dans la même optique avec tout ce qui est cours d'anglais chez Louis de Funès. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses. Alors, moitié anglais, moitié français. C'est vrai que oui, lui, son anglais, c'est quand même exceptionnel. Mais je crois qu'il est meilleur que le tien. Hein. En même temps, c'est pas très dur. En même temps, Daniel, c'est vraiment pas dur quand même. Il s'est entraîné notamment sur le V. Hein. Il essaye d'enseigner ça à tous les autres. Ouais. Alors, personnellement, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a toujours un rapport, je vais dire, à la bouffe. Hein, on est quand même sur une Death Star, donc je vais parler le une Death Star, comme je dis. Oui. Il y a, je pense pratiquement toujours ou très souvent, un rapport à la nourriture, quelque chose. Il y a des repas, il parle de manger. Oui. Et c'est pas forcément toujours, favorable. Non, pas toujours. Ouais. Tout dépend si on veut l'aile ou la cuisse, c'est ça? Oui. Mais il a joué des rôles, je dirais, autant de serveur que de directeur de restaurant, que d'inspecteur. Comme dans le grand restaurant, par exemple, où il est directeur. Il a tout fait jusqu'à même tomber dans de la bouffe. Enfin, si on peut appeler ça de la bouffe, c'est une espèce de chewing-gum. Scène qu'ils ont répétée une dizaine de fois. Je vous explique pas quand même dans quel état il devait être au bout de 10 fois. Mais ce qui est très bon aussi, c'est qu'il a même fait le client. Hein. Oui. Tout à fait. Mais oui, dans tous les rôles. Ah, pas ça, oui. Tellement de trucs. Ouais. Toi, Thierry, pareil, donc comme Jade, un peu l'anglais, tout ça, comme tu disais là. Oui, je sais pas, c'est le fait de prof d'anglais, mais oui, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'endroits où ils jouaient là-dessus sur apprendre l'anglais aux autres. Ouais. Mais bon, ce que j'aime dans ces scènes-là, comme d'autres, c'est quand il dit sortez. Sortez! Dès qu'il se fâche, il fout tout le monde dehors. Au bout d'un moment, on se demande s'il va rester quelqu'un à qui donner la leçon. Quoi. D'accord. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu marqué par rapport à lui, alors je l'ai fait la semaine dernière quand on a un peu annoncé les émissions. D'ailleurs, si vous avez raté l'émission de la semaine dernière, on peut la retrouver en podcast sur indestar.fr. Il me semble qu'il y a la rediffusion Twitch également qui est toujours là. Exact, qui a été regardée plusieurs fois d'ailleurs. Oui. Et si vous ne trouvez pas, on refait l'émission. Alors peut-être pas. Mais moi, celle qui m'a marqué dans les phrases de Funès, c'est dans Fantomas contre Scotland Yard. Oh, ouais. Mais qui a dépendu mon pendu? Il a une telle vitesse. Mon pendu, qui l'a dépendu? Puis, le fait de dire dépendu mon pendu en plus. Oui. C'est génial. Et c'est vrai que si on regarde les acteurs autour, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il l'a dit plus vite que prévu? Est-ce qu'il devait pas fouiller qu'il l'a pas fait? Est-ce qu'il a un peu improvisé? C'est vrai que c'est un spécialiste de l'impro aussi, quand même. Oui, oui. Ouais. Complètement. Et c'était un peu aussi son charme. Il essayait de ne rien laisser au hasard, mais de temps en temps, en fait, il se faisait prendre à son propre jeu. Oui. Et quand ça marchait bien, on gardait, quoi. C'est ça. C'est vrai que c'était une époque où on, je pense, tolérait facilement lorsque les acteurs ou actrices, évidemment, proposaient, on va dire, une impro, finalement. Et c'était bien vu, quand même. Il a même été jusqu'à modifier un scénario. Je parlais de Sur un arbre perché. En fait, au départ, c'était prévu plutôt comme un drame, et Louis de Funès a participé à la réécriture pour que ce soit dans son registre. Il voulait absolument faire du comique. D'accord. fallait qu'il s'en sorte. Sinon, ça aurait pas été le film. Mais sinon, ouais, c'était pas pareil. Beaucoup d'acteurs, de réalisateurs disent qu'il aurait tout à fait pu jouer des drames et qu'il aurait pu être très très bon dedans. Ouais, qu'il aurait pu faire un peu tout et n'importe quoi. Alors, je sais pas dans n'importe quoi, mais qu'en tout cas, jouer des rôles dramatiques forts, il aurait pu le faire. Il avait la D'accord. capacité, mais il ne voulait pas. Ok. Donc, on est sur Indestar, donc radio musicale. Qui dit radio musicale dit musique. Avec là, nous allons avoir Crooked Color, Feel It. Non, attends, je Ouais. Oui, Jade. Je rectifie, c'est Crooked Colors. D'accord. Voilà. Bah, en tout cas, c'est sur Indestar. L'arme fatale de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Donc, sur Indestar, donc jusqu'à 23h à peu près, voire un peu plus tard, vu que souvent on dépasse quand même un tout petit peu, on va dire, pour rester... Oh, pas grand-chose, ouais, hein. Un tout petit peu. Ouais, c'est ça. C'est 2 minutes, c'est rien. C'est 2 petites minutes. Vous remarquez que nous avons invité Louise de Funès, hein. Oui, ouais. C'est moi, lui, de finesse. Pika de finesse, Pika de finesse. Pauvre petit Pika. C'est pas bien de me copier. Quick, quick, quick. Mais non, on ne copie pas, voyons, Jade. Donc ce soir, nous sommes avec Jade, Daniel, Thierry et moi, donc Kevin, pour parler de finesse. Et d'ailleurs, Daniel, tu vas nous parler de quelques idées de Funès. Oui, les idées, bah, moi j'appelle ça les idées made in de Funès, parce qu'il y a quand même toujours une atmosphère un peu beaucoup particulière dans ces films. Ouais. Avec, alors, je vais pas dire que c'est lui qui a inventé ou qui a demandé oui, les choses, oui. Mais comme par hasard, il y a des choses qu'on ne trouve quasiment que dans ces films. Ouais. Ouais. Alors, il y a des choses qu'on aurait pu trouver ailleurs et qu'on a influencé d'autres choses, oui, comme dans Fantomas en 1964 avec les masques. Hein, qui crée par exemple. Oui, ben, qui en crée beaucoup. Qui en crée beaucoup, entre autres celui de l'inspecteur Juve, joué par Louis de Funès, mm, qui pique une colère pendant la reconstitution du portrait robot. Oui, ouais, qui se fait tout petit. Ouais, il se fait tout petit, après sortez-moi tout le monde, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'en ai marre. C'est un pléonasme de dire de Funès qui se fait tout petit. C'est une vérité, en effet, oui. C'est vrai. C'est bien vu. Ouais, et il était petit par la taille, mais. Grand par le talent. Absolument. Oh, c'est beau ça. Ah ouais, mais j'avais envie de la dire, je l'avais préparée avant l'émission. Hein. Ouais, et justement, en parlant de préparer, on a parlé du corneau là en off à l'instant. Oui. Et on a parlé de la fameuse deux chevaux au début qui se disloquent. Oui, mais ma voiture. Il y en a qui diraient ça. Savez-vous comment ils ont fait pour qu'elle se disloque aussi bien, la deux chevaux? Ils l'ont préparé avant, ils l'ont déjà. Oui, ils l'ont préparé avant. Bonne réponse, mais ça vaut 0 point, Kevin. Parce que de toute façon, c'est pas le jeu. Donc à partir de là. Merde. On s'en fout. Voilà. Non, en fait, ils l'avaient prédécoupé, comme on s'en doutait. Ouais. Ouais, c'est ça, comme un rôti. Ouais. Et ils l'ont fait tenir avec du scotch. Mais il y en a certains qui font tenir des parties de leur voiture avec du scotch, j'en ai déjà. Oui, c'est vrai que ça se faisait beaucoup avant le contrôle technique. Hein. Oui, à l'époque, oui. Oui, complètement, oui. Il y en a même des conducteurs qui tiennent avec du scotch, mais un peu plus liquide. Puis regarde, il y en a bien qui font des films avec ça, avec des voitures tenues par du scotch. Oui, d'ailleurs, le scotch liquide, il y en avait beaucoup dans les grandes vacances, à la fin du film, quand les cuves sont ouvertes et qui fait du radeau là, sur les fûts, ouais, avec l'anglais. Là, il y en a beaucoup. Encore de l'anglais. Ouais. Encore et toujours, oui. Ouais. Alors, il avait inventé dans le grand restaurant la porte automatique manuelle pour entraîner ses serveurs à la passée. Hein, oui, qui commandait. Ouais. Il y en a un qui se ramassait tout le temps, d'ailleurs. Ouais, ouais. On peut supposer, connaissant Louis de Funès, qu'il faisait un peu exprès. Oui. Oh, juste un petit peu, alors. On va dire. Un petit peu. Alors, ce que j'ai aimé aussi, comme idée complètement folle, c'est le film qui s'appelle Le Tatoué. Ouais. Ouais. Jean Gabin. Oui. Qui veut acheter un Modigliani tatoué sur la peau de Jean Gabin. Voilà, ils veulent l'acheter. Oh, à c'est vrai qu'il là, y a ça, oui. Ouais, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, on le trouve ça qu'avec lui. Il y a aussi dans Le Petit Baigneur. Alors, voilà, c'est pas que lui, parce que c'était avec la troupe des Branquignols, si je me rappelle bien, avec Robert Derry, Colette Brosset et compagnie. Les plus anciens s'en rappelleront. Pour pouvoir sortir de l'eau en marchant, ils avaient inventé un canoë, mais avec le bas, c'était un scaphandre, ce qui fait que tu marchais, t'arrivais dans l'eau, tu pagayais, tu ressortais de l'autre côté. Bon, t'avais un peu l'air con avec ton canoë devant et derrière, mais bon, ça va, si c'est qu'un peu, c'est bon, alors ça passe. Non, je voulais être gentil, donc j'ai juste dit un peu. On n'a pas besoin de tout ça pour avoir l'air con, nous. Non, c'est sûr. Non, nous, c'est déjà fait. De base, on y est. Ouais, sinon, on serait pas là, forcément. Hein. Oui. La Hibernatus. Oui. Alors, il a réalisé un vieux rêve, réveiller quelqu'un qui a hiberné, donc qui a été, on dit maintenant, cryogénisé. Un jour, les micro-ondes feront cela. Un jour. Ouais, parce que les maxi-ondes, apparemment, n'y arrivent pas, donc on compte que sur les micros. Hein. Apparemment, il n'y a que les petits, donc micro, Louis de Funès qui était petit, il n'y a que eux qui réussissent quelque chose. On essaye beaucoup de choses avec les micros ici. Et on les coupe pas pour pouvoir nous entendre, hein, avec tout ce qu'on raconte. La Folie des Grandeurs, vous savez qui s'est joué? Louis de Funès. Oui. Merde. Oui. Sapritch. Ah. Oui, Alice Sapritch, mais le. Non, le valet, tu parles? Oui, le valet. Ah. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Oh, non. C'est celui qui. Ouais, c'est Bourville, ça. Qui devait à l'origine jouer oui, le valet. Il est décédé. Ouais, ouais. Ouais. C'est bon que moi, facile de jouer avec un décédé. Hein. Non, c'est avec Yves Montand où il y a une célèbre scène. Mais j'en parle pas de la célèbre scène parce que je crois, Kevin, que tu vas en parler tout à l'heure. Oui, un petit peu. Oui. Ouais, non, mais. Faut pas lui piquer son rôle. Non, quand même. Il y a eu autre chose quand même assez extraordinaire dans ce film-là. Pour nettoyer les oreilles à Louis de Funès. Oui. Ah, le coton qui rentre et qui ressort. Le torchon, côté. Carrément, le torchon, la serviette, pardon. La serviette qui rentre d'un côté et qui sort de l'autre. Et quand on voit. De Funès qui grimace. Qui grimace, oui. Oui, nous aussi quand on regarde. J'en arrive à un film culte de la bouffe qui s'appelle, à votre avis. L'aile ou la cuisse. Et exact. Oui. qui est sorti en... J'en sais rien. Voilà. C'est pas loin. Les années 70. Ouais, en 76. Donc, qui a réuni Coluche et De Funès. Oui. Savez-vous que au départ, c'était pas De, Coluche qui devait jouer le rôle. C'était qui ? Pierre Richard. Oh. Mais comme le rôle avait changé, il a décliné. D'accord. Donc, ils ont essayé plusieurs autres comiques, des jeunes qui arrivaient. Et on n'était pas encore là, donc on n'a pas été pris. C'est ça. Sinon, forcément, ils nous auraient pris depuis longtemps. Hein. Et quel nom est arrivé à ce moment-là ? Il s'appelait... Coluche. Et exact. Je crois qu'il y en a toujours qu'un qui suit à ce moment-là. Michel Coluche. Pour, voilà. Pour une fois que je suis. Voilà. Et en fait, Louis de Funès ne voulait pas au départ. Ah ouais ? C'est son fils Olivier qui a arrangé un dîner... Et qui a réussi pendant ce dîner à convaincre son père de faire des essais ou de venir le voir, je ne sais plus. Ouais. De venir voir son père, Coluche. Et quand il l'a vu, il a dit ouais, ça doit le faire. Ok. Ouais, ça doit être pas mal. C'est parti. Ouais. Bon, au final, voilà. C'est vrai que c'est parti. Comment ça, t'es parti, toi ? Non, reste là. Non, tiens, on te voit là actuellement. Voilà. On te voit sur Twitch. Non, est-ce qu'elle se cache ? Est-ce qu'elle se cache derrière Bébert ? Oui, là, elle le fait là. Parce qu'elle a une tête de cochon, peut-être. Je suis petite, Bébert, il est gros. Oh, moi j'y peux rien. Hein. Attends, on va le décaler un petit peu parce encore. Parce qu'il est un peu détruit. Ouais, mais en même temps, ça va bien, vous êtes rose. Tout, ah, mais c'est vrai que t'es un peu en rose. Ça là. Fait plateau de charcuterie. Je suis en rose parce que j'ai mis une veste de mon personnage préféré. C'est mais tout, non, tu t'es habillé avec du jambon. C'est pas pareil. Ouais. Je ne suis pas Peppa Pig. Hein? Ok. Alors pour moi, le film le plus extraordinaire au niveau des inventions, des idées vraiment de funestienne, on pourrait dire. Ouais. C'est la zizanie. Oh. Avec, j'allais dire Brigitte Bardot, non. Qu'on a dit non. Annie Girardot, pardon, c'était elle. Est-ce que l'un d'entre vous l'a vu ? Bah oui, Kevin oui. Chausset, on vient de le voir. Donc, on l'a vu hier soir, ouais. Donc on l'a enregistré. J'ai vu quelques films de Louis de Funès, mais pas celui-là. Puis c'est un peu votre vie, la zizanie. Non, c'est le bordel, nous. C'est pas la même chose. Je ne suis pas d'accord, monsieur, avec cette ouais, accusation. Alors, pour Jade qui connaît pas, alors oui. C'est un film de 1978 ouais. Qui met en scène Louis de Funès et Annie Girardot qui sont monsieur et madame Dobré-Lacaze. D'accord. Lui en plus est maire de la commune. Et c'est un industriel qui vient de vendre 3000 CX-22 qui est un dépollueur à des Japonais. Oui. Oui. Mais il a une petite usine. Alors que faut-il faire ? Il faut s'agrandir. Absolument. Donc. Pour agrandir l'usine, il va devoir voir le préfet qui dit non, non, non, non, pas question, je vous vends pas le terrain. Et finalement, il a qu'une solution, le pauvre. C'est de s'agrandir. De le vendre. Non ? Non. C'est de s'agrandir chez lui. Ah oui. C'est ça. Donc, il fait mettre des machines chez lui, dans son salon, même dans sa chambre. Ils sont obligés de dormir avec les boules caisses. Oh, j'imagine pas les nuits. Non, moi non plus, j'imagine non. pas. Ça risque de te faire. Arrête d'imaginer ça. Non, ça va te faire cauchemarder. Ouais. Déjà que je suis un peu insomniaque, alors avec ça en plus, non. Alors, déjà, l'idée du dépollueur qui est à l'époque assez extraordinaire, surtout de la façon dont il fonctionne. C'est un gros aspirateur, ni plus ni moins, qui avale tout. Alors, est-ce après comme Gaston Lagaffe, faut vider dans l'air ça, on ne sait pas. Apparemment, c'est un dépollueur qui pollue beaucoup. Absolument. C'est ce qu'ils en disent, donc. Ouais, c'est ce qu'ils en disent. Alors, donc, ce qui est extraordinaire, déjà, donc, il y a le dépollueur, il envahit sa maison, mais ça ne suffit pas. Mais il faut quoi d'autre ? Ah, donc, il envahit le potager de sa femme. Pour cela, il noie les légumes avec du pétrole. Les petites c'est salades. Il n'y a plus de salades. Absolument. Mais il n'a rien fait, hein, évidemment. Ça ne suffit toujours pas. Donc, on va dire, réquisitionne carrément la serre, les plantes, les fleurs de sa femme. Ouais. Bon, là, il y a un petit que sa femme n'est déjà pas contente et dormait dans la serre. Là, ouais. Et pour faire crever les plantes, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, on va dire qu'il les congèle. Donc il congèle sa femme en même temps. Oh non. Ouais. Si. J'imagine la scène où il voit sa femme, il me fait. Ouais. Ah. Et il y a toujours. Voilà. C'est à peu près ça en plus. Je crois que j'ai laissé ma femme. Ah, c'est resté de marbre. Hein. Je vous dirai pas si la situation s'est réchauffée après. Il faut voir le film. Voilà, faut voir le film. En effet, ça sera quand même beaucoup mieux de. Ouais, on va pas tout spoiler non plus. Non, pas tout spoiler. Il y a aussi des histoires encore de bouffe, évidemment. Toujours. Alors, par exemple, une scène encore extraordinaire, il y a les machines qui font plein de bruit. Il y a le repas d'anniversaire. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il invite un violoniste pour les accompagner, pour accompagner le repas. Donc, oui. Franchement, avec le bazar des machines, le bordel que ça fait, le bruit. Oh, le pire orchestre. Ah ben, c'est sûr que oui, ils y vont fort. Complètement, oui. Il y a quand même une fin. Oh, je vous la dis pas parce que finalement, faut voir le film. D'accord. Parce que finalement, bah, il perd son usine. Mais Louis de Funès rebondit avec des inventions quand même encore extraordinaires, très de funestienne. C'est assez exceptionnel. D'accord. Bah, faut aller le voir alors. Ouais. Allez le voir. Ouais, qui me regardez là, allez le voir. Voilà. Tout de suite. Ça sort cette semaine. Je vous recommande d'écouter Jade aussi. Là. Vous allez le regarder. Allez, très bon conseil. Il y a aucun problème là-dessus. Hein. Celui-là, c'est de quel film dont tu parles là ? Le dernier là que je vous. Oui. Alors c'est. Bah justement, tiens, ça fera une petite introduction pour le sujet de Jade. J'ai trouvé un coup extraordinaire dans Le Gendarme et les Extraterrestres. D'accord, ok. Pour les extraterrestres, ils ont un défaut, ils rouillent. Oui. On ne voit ça nulle part ailleurs, mais les extraterrestres rouillent. Tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les attaquent avec des pistolets à eau. Voilà, on va dire des pistolets, des pulvérisateurs, voilà. Donc, ils les attaquent avec ça. Ouais. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Non mais imagine la scène si tu fais un film maintenant aujourd'hui avec tout le monde qui fonce avec son pistolet à eau. J'imagine ça là. Complètement. Les gars, c'est la troisième guerre mondiale. Allez, pistolet à eau. En même temps, un bon truc vintage à la con, ça pourrait marcher. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que ça soit très con, je crois. Ouais, mais je crois aussi. C'est pour dire, il avait des idées de base qui étaient complètement loufoques. Mais tellement extraordinaire quand même. Tellement bien. C'était tellement extraordinaire c'est ce qu'il arrivait à faire. C'était bien comme la musique, j'ai presque envie de dire. Complètement. Là, on va avoir Filou, Feel Good. C'est de Gorillaz, il me semble. Oui. Et en tout cas, c'est sur Indestar. Waiting down on a camel's back. Pages have to go, cause they don't know when. So all you feel the streets is a pillion seat. You won't get out the county cause you're bad and free. You got a new horizon, it's a family style. A melancholy town where we never smile. And all I wanna hear is the message, please. They got to kiss because I don't get sleep, no. With my windmill for the land, turn forever hand in hand. Take it all in on your stride. It is sinking, falling down. Love forever, love is free. Let's turn. Breaking down on a camel's back. They just have to go cause they don't know why. So all you feel the streets is appealing to see. You won't get out the county cause you're bad and free. We're gonna ghost down this small town with your sound. You in the blink, come by the dust. Come fight with us with your sound. You kill the ink, so don't stop. Get it until you chatter, had it. Watch the way I navigate. Ha, windmill for the land. Turn forever hand in hand. Take it all in on your stride. It is sinking, falling down. Love forever, love is free. Let's turn forever. shake it, shake it, feel good. Shake it, shake it, shake it, feel good. Shake it, shake it, feel good. La pop culture, ce podcast sur indestar.fr. Oui, sur indestar.fr, comme toujours. Les podcasts, toujours sur Indestar. Le live Twitch, toujours sur la chaîne Twitch d'Indestar. Voilà. Qu'on peut retrouver sur le site, le petit bouton violet pour venir nous voir. D'ailleurs, là, on peut faire un gros coucou à Twitch. Coucou! Pika, pika, pika! Ceux qui nous regardent, coucou! Voilà, donc, évidemment. Bah j'ai fait le tour en fait. Oui, juste, je voudrais juste, vous savez que je suis quand même très modeste, hein. Donc je voulais juste préciser, venez admirer les vedettes de Peak Avenger. Ouais. Hein. Oh là là, c'est beau ça. Ouais, ouais. On croirait presque entendre Louis de Funès quand même. Presque. Ah, tiens, tiens, tiens. Ouais, il est ici. Oui. Il est là. Donc ce soir, oui, on parle de Louis de Funès. Juste avant, Daniel, tu as dit que Jade allait nous parler des gendarmes. Ça tombe bien, vu que c'est quand même une des sagas aussi les plus emblématiques qu'il c'est a. C'est ça, c'est pour ça que je voulais en parler. Oh là là. Parce que ça a marqué quand même un peu. Ça a marqué beaucoup de gens, les gendarmes. Bah, c'est ça, puis même pour ma génération ou la tienne, Jade, de Funès, c'est un acteur qui est extrêmement apprécié encore. Ah oui, encore, toujours. Oui, oui. Curieusement, oui, toutes les générations, il est. Par exemple, on va prendre quelqu'un avec qui il a fait beaucoup de films, Bourville, avec qui, par exemple, pour Le Cornieu ou La Grande Vadrouille, Bourville, j'en parle à mes amis, et c'est qui ça, limite. Alors que de Funès, tu dis Louis de Funès, c'est tout de suite, ah bah oui, il est génial. Oui, bah oui. Dans le classement qu'on fait des acteurs préférés des Français, il apparaît tout en haut. Hein. Ah bah oui, c'est... complètement. Là, c'est toujours masterclass là, c'est. Voilà. Et j'ai vu un sondage il y a quelques années. C'est un acteur que on va dire plus de la moitié des Français regrettent qu'il n'y en ait pas actuellement de Louis de Funès. Ouais, voilà. On aurait dit, peut-être un gendarme encore. Peut-être. Mais comme on dit, toute star s'en va au bout d'un moment. Il laisse un bon souvenir derrière. Lui, il a laissé. Oui. Un sacré souvenir. Bon. En effet. Bon. J'imagine que c'est à moi de parler. Oui, tu vois, on te laisse la parole, on est sympa, bon, on arrête de parler. On arrête de parler 30 secondes et on te laisse parler. Alors je dirais bien que je coupe le son, mais le problème c'est que si je coupe le son, on n'entendra plus Jeanne. Bah, non, donc ça ne marche pas. Non, ça marche pas là. Bon, je crois que pas besoin de le demander, mais tout le monde connaît les gendarmes ici. Non, c'est quoi? Tu on connais a qu'un, pas Il y a non. qu'un abruti sur, dans le pays qui connaît pas, on l'a ici. Ouais. Et tout content, c'est moi l'abruti. La peur du gendarme. C'est pour ça qu'il ne le connaît pas, on a trouvé. C'est peut-être pour ça. Oh bah du coup, ça va être compliqué. Ouais, c'est dur. Bon, bah les gendarmes, pour faire plus simple, c'est une sorte de... Comment dire, comme un... C'est une saga. Ouais, c'est une saga, mais moi je parle des personnages, ils sont 5. Oui. Voilà, c'est 5. Ils sont 5, c'est un groupe de 5. Plus 5 plus l'adjudant. Ouais, plus l'adjudant. C'est une sorte de boys band. Voilà, c'est un truc comme ça, oui. C'est ça. Donc c'est une grande série qui a marqué beaucoup de gens, comme on l'a dit. Est-ce que vous savez au moins combien il y a de films dessus? Alors, de mémoire, j'ai regardé en préparant. Je crois que c'est 6 qui ont été tournés. Tu crois? Ouais. Je vais demander un peu l'avis de tout le monde pour voir un peu les... Je ne sais pas exactement, mais ça tient dans un coffret qui prend pas beaucoup de place, donc ça doit être dans ces eaux-là. Surtout depuis qu'il y a les DVD avant avec les VHS, ça prenait un peu plus de place. J'hésite entre 6 et 7. Ah. Mais je dirais plus 6. Bah, vous avez raison, ça fait 6 films. Vous avez tous la bonne réponse. Il faut savoir que le premier film, il date de 1964. Et le dernier est de 1982. Donc c'est une bonne période de 18 ans quand même pour la série des gendarmes. Donc ça a bien duré. Ça a bien vécu. Voilà, ça a bien vécu et ça vit encore aujourd'hui. Là, par exemple, cet été, je me suis retapé la saga des gendarmes. J'ai adoré. Donc c'était un plaisir. Elle se tape des gendarmes. Non, la saga seulement. Non, la saga. Alors, elle précise pas si la saga, c'est la femme du gendarme. Ça, on ne sait pas. en fait. Mais non, c'est saga. Je crois qu'on ne veut pas savoir non plus. Bon, je voulais faire un truc ce soir parce que je vais pas faire un exposé non plus sur les films des gendarmes parce que bon, on va très vite un peu s'ennuyer. J'ai préféré faire un petit quiz pour vous. Oh, un mini-jeu. J'ai fait un petit quiz de 7 questions. C'est des questions à choix multiples et je vais vous donner les choix et vous avez qu'à me dire quelle réponse. Bon, moi je vais tout de suite répondre, je vais choisir le bon. Moi je dis réponse A. Parce que c'est toujours là. D'accord. La réponse L comme Louis de Funès. Ok, si tu veux. Les idées de réponse sont quand même bien vues en vrai. Mais bon, vas-y Jade. Alors, la première question, elle est très simple. Quel est le dernier opus des gendarmes? Nous avons en A. Je réponds pas, je sais. Les gendarmes à New York. Réponse B, les gendarmes en balade. Réponse C, les gendarmes et les gendarmettes. Qu'est-ce que vous dites? Ah, ils sont timides tous les deux, ils veulent pas répondre. Hein. Non, c'est qu'en fait, j'hésitais entre deux et les deux, ils sont en fait. Oui, est-ce que on a terminé par New York ou est-ce qu'on a rajouté les gendarmettes après? À vous de voir. Alors, en théorie, sachant qu'au début, les gendarmettes, il n'y en avait pas dans la gendarmerie. Mmh. Ça ne peut pas être au début. Mmh. C'est ça. Hein ? J'ai adoré. Donc forcément. Bon, je sais en tout cas que c'est le gendarme et les gendarmettes. Hein. D'accord. Allez, je vais lever le suspense. Vous deux. Parce qu'ils sont timides, ouais, ils avaient peur. Alors, je les vois pas avec Pikachu, mais vu que t'as dit que tu savais, je vais faire exprès de me tromper et dire à New York alors. Bah, c'est le deuxième. Comme ça, je ne copie pas. C'est le deuxième à New York. En 65 ou 66, je crois. Oui, mais c'est pas grave. Comme ça, je copie pas. Voilà. Thierry, que penses-tu? Bah, je veux dire, Daniel a la bonne réponse, mais je pensais effectivement un peu plus pencher là-dessus, mais je pensais pas que New York, par contre, c'était aussi tôt, mais très bien. Ouais, bah, écoutez, vous avez tous les deux raison, Daniel et Thierry, car ouais, c'est bien les gendarmettes. Ouais, mais excuse-moi, mais Kevin, il s'est mis dans un rôle de cancre là, donc oui, on est foutu. Non, j'ai pas voulu faire copier. Il va finir dans une autre émission. On va le mettre de côté lieu hier. Si par exemple je fais ça, je prends Pikachu et je le mets derrière. Ouais. Est-ce que ça fait un peu oreille d'âne, bonnet d'âne? Non, ça fait con. Ouais, ça fait con. Oui, ça marche pas trop. Non, il y en a qui ont le bonnet d'âne, nous on a le bonnet Pikachu. Hein. Ouais, le c'est petit bonnet bien. De Pika, ouais. Ouais. Le Pika bonnet. Tu vas pas te faire un dîner de con quand même. Deuxième question? Oui. Bah oui, on attend, c'est toi qu'on et attend. Moi, hein. Je laisse du suspense. Tu nous en as annoncé 7. En plus, ça tombe bien, c'est mon chiffre porte-bonheur. Bah écoute, pour moi. T'avais pas d'explication particulière sur la bonne réponse sur le gendarme et sur gendarme. L'apparition des ouais. Gendarmettes en fait pourquoi ils ont choisi ça t'as pas des explications? Non, j'ai pas forcément d'explication. Elle parce a pas que, eu le temps parce crois. Que ouais parce que ceux qui ne savent pas j'ai fini ma journée de cours plus tôt mais j'avais quand même une heure de perm avant de terminer et j'ai pris cette heure de perm entière pour pouvoir faire mon entière. Sujet. Ah, on va te féliciter quand même. Voilà, là, quand même. J'ai préparé mon moi, sujet. Je dis, ça j'ai fait comme ouais, j'ai ouais, pu. Ça, c'est du professionnalisme radiophonique. Et hein. Puis moi, j'imprime pas. Moi, j'écris. Mais après, ça, si t'es con, c'est pas notre faute. Hein. Ben voilà. Non, mais oui, elle sait pas se servir d'une imprimante. Ou alors, c'est l'imprimante qui sait pas se servir non, de Jade. Non, c'est pas. Non, peut-être les deux. L'imprimante ne me veut pas. Ah, elle te veut pas. Non. Ah, t'as éjecté ? Ouais, c'est ça. Donc, question numéro 2. Question numéro 2. Je vais vous donner des films, je vais vous en donner 3 et vous allez me dire. Quel est d'entre eux a eu le plus d'entrées? Je vais pas vous dire les noms parce que sinon ça va être trop facile. Mais je vous donne les titres. Donc, on a les gendarmes à Saint-Tropez, les gendarmes se marient et les gendarmes à New York. Selon vous, quel est parmi les trois, lequel a eu le plus d'entrées? Je dirais bien Saint-Tropez quand même. Pour moi, c'est Saint-Tropez. Mmh. Thierry? C'est vrai que je pencherais bien là-dessus. Par contre, c'est vrai que celui de New York, il a bien marqué les mentalités. Mais ouais, je pense que Saint-Tropez quand même. Ouais, je pense qu'il est au-dessus de Saint-Tropez quand même. Désolé, mais vous avez tous faux. Ah. Bah alors, il n'était pas au-dessus. Celui qui a le plus d'entrées, c'est Les Gendarmes se marient avec 8 millions d'entrées. Et Saint-Tropez a eu 7 millions d'entrées. Et les New York a eu 5,5 millions d'entrées. Donc. Bah, on n'y pense pas, mais oui, c'est les gendarmes se marient. Finalement, on connaît pas si bien que ça de notre Louis de Funès. Hein. Non. Désolé si tu nous entends. Non, bah non. Mais si tu nous vois d'en haut, tu es désolé. Ouais. Peut-être, voilà. Peut-être qu'il nous entend aussi de ouais. Quand même. On espère que tu seras fier de l'émission qu'on t'a préparée. Ouais, quand même. Ouais. On a fait tout ça pour toi. Voilà. Pour toi, Louis. C'est que pour toi. C'est beau. Parce que Louis est dehors. Pourquoi il serait dehors? Mais non, il dort. Ah, il dort, j'ai entendu dehors, moi. Mais non, pas il dort, mais il est dort. De nuit dehors, comme Louis XIV. Ah, c'est bon, j'ai voilà. compris, non. Il me criait pas vous êtes dessus. Con, les sourdes. Je me fais crier dessus. Troisième question. Alors, oui. Quel gendarme est interné dans Les Gendarmes se baladent? Ça tombe bien. Mais nous, c'est nous. C'est soit Merlot, Cruchot, Fougas ou Gerbert. Gerbert, c'est l'adjudant en chef, ouais, Gerbert. C'est ça. Lequel a été interné? Est-ce que toi, tu sais? Oui. Ouais. Parce que j'ai vu le film. Donc oui, vaut mieux, hein, vu que t'as soi-disant les réponses, on préfère. Hein. Oui, mais c'est vrai. Est-ce que je peux vérifier pour voir si c'est vrai? En fait, ils sont tous tarés. En fait, c'est celui qui est. Ouais, ils sont tous tarés, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est celui-là qui est interprété par Jean Lefebvre qui s'appelle Fougas. C'est Fougas. Voilà. Bah écoutez, vous avez ils raison. Et encore un rapport caché à la bouffe, parce qu'avec la Fougas. Ouais. Oui, hein, oui, bah oui, encore. Un pain un peu préparé, on va dire. Ouais. Un petit peu. Un petit peu, ouais. On est encore dans un... C'est un pain fou, parce que Fougas... C'est vrai, c'est vrai. Il avait un nom qui prédestinait. C'est ça, bon, bah, on choisit pas forcément son nom. Hein. Ouais, non. Ni sa Fougas, hein, qu'est-ce que tu veux. Voilà, c'est pas forcément, ça. Ouais. Bon, bah, je crois que celui-là... peut-être, je suis pas sûr si vous le trouvez ou pas, mais bon, si vous connaissez très bien Louis Fougas, oh, c'est pas grave, il y en a déjà un qu'on l'a pas trouvé. Alors, bon, c'est pas... Alors, qui interprète l'adjoint... l'adjudant, pardon, Jérôme. C'est soit Mich Galabru. Michel. J'ai oublié un L. J'ai écrit. À force d'être dans la bouffe, elle est à Mich. Est-ce que c'est Christian Marin, Louis Funès ou Guy Grosso? Ah, j'avais oublié Christian Marin, mais c'est vrai que oui. Je voudrais juste expliquer le coup de la Mich. Comme on a parlé du pain avec la Fougas, je pense qu'elle était influencée avec la Mich de pain. Peut-être. Ah, oui, alors veuillez l'excuser, c'est une erreur. De, ouais, voilà. Ça peut expliquer certaines avant choses. Avant l'émission, elle nous a dit je mange pas avant, mais après, fin, voilà. Finalement, on mange pendant aussi. Hein. On la voit manger. Je connais pas forcément très bien les noms des personnages. Par contre, je sais que Michel Galabru joue un adjudant. Oui, c'est Gerbert. Alors, Jérôme, le prénom c'est Jérôme dans certains. Et je sais que c'est pas Jérôme dans tous. Dans d'autres, ils ont mis un autre prénom. Je sais pas pourquoi. Je vois non plus. Ça fait partie des curiosités. C'est comme ça. Scénaristique, on va mystère dire. Mystère et boule de gomme. Donc, c'est Michel Galabru. C'est Galabru. Vous avez faux. Hein? Je vous avais faux. C'est Christian Marin. Hein? Christian Marin. L'adjudant en chef? L'adjudant, oui. Ah non? Ah si! Non, Christian Marin, c'est le gendarme. Berlico ou Merlot, je sais plus. Je te jure, j'ai fait mes non, il y a quelqu'un qui va vérifier. On vous dira ça après. On va vérifier, on va voir. Ouais. Moi, pour moi, j'ai fait mes recherches, c'était ça. Donc, ouais, mais à mon avis, t'as mangé trop de Mich de Fougas. Je pense aussi. Ouais. Peut-être, je ne sais pas. T'as fait une indigestion de Fougas. C'est vrai. Alors, les trois dernières questions, c'est simple, je vous mets des vrais ou faux. Je suis sympa. Ah. Comme ça, vous avez un choix sur deux. Alors, dans le film Les Gendarmes à Saint-Tropez, les gendarmes voient le double 2 à cause de la petite heure passée avec les hippies. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est dans lequel tu dis? Les gendarmes à Saint-Tropez. J'ai fait un signe de la tête. Non. Non. C'est pas. Hein, je me demande. Quelle était la question? Mais en plus, tu n'écoutes pas, hein, en plus d'être un cancre. Non, mais le problème, c'est qu'il suit Twitch en même temps. Ah, alors, donc... déjà qu'une chose à la fois, j'ai du mal à suivre, donc deux, faut pas me. Alors, zut à la fin! Je te répète la question. Oui. Dans le film Les Gendarmes à Saint-Tropez, les gendarmes voient le double 2 à cause de la petite heure passée avec les hippies. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah, c'est faux. Bah, je comprends pas avec les hippies. Enfin, bon, donc je me dis c'est faux. Je comprendrais bien le début, mais pas la fin. Donc, Non, c'est qu'à un moment donné, dans un. Ils sont avec des hippies, ils fument un peu, et du coup, ils sont. Ah. Bah, ils ont piqué la voiture à je sais plus qui. Voilà, oui, c'est ça. C'est quoi cette imitation? Non, mais elle nous a dit qu'elle avait préparé pendant son heure de perm. L'heure de gloire. Non, c'est en ce moment l'heure de gloire. Donc, c'est pas la chute, là. Donc, elle a tellement bien préparé, on peut supposer qu'elle a testé pour voir si c'est vrai qu'on voyait double. Hein. Bon, vous dites faux. Et t'as vu deux surveillants pendant l'heure de perm ou un seul? Non, j'en ai vu qu'un. Mais il est venu à ma table, il est venu tranquille en mode qu'est-ce que tu fais? Moi je suis en mode bah je travaille. Et puis il est parti. Ah bon. De toute façon, autrement, on aurait fait une lettre, t'inquiète pas. Oui, voilà. Ouais, ouais, hein, t'inquiète pas. Bon, de toute façon, les permes dans mon lycée, elles sont assez libres, donc pas forcément besoin d'être surveillé. Donc, je crois que c'est le gendarme en balade. Ah. Et ou se marie, c'est l'un ou l'autre. Tu me proposes autre chose. Ouais. Bah, vous voulez proposer quelque chose, les garçons ? J'ai un doute entre le gendarme en balade et le gendarme se marie, mais je crois que c'est en balade. Oh, j'ai répondu faux déjà, faut pas trop en demander. Hein. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Thierry ? Moi, j'ai dit faux parce que je voyais pas le rapport avec la fin de la question, mais après. Ok, bah écoute, hein, mais t'as pas de minute. Non, mais en gros, ils fument un pétard. Ouais, c'est ça. Ils sont habillés en hippie, ils finissent en hippie. Ouais, je te dis pas encore l'état dans lequel ils doivent finir. Ouais. Oui. C'est quand même fou. Bon, bah, c'est bien faux, vous avez raison. Mais ils se voient en double dans Les Gendarmes et les Extraterrestres à la fin. Ah, c'est celui-là. Voilà, okay. J'ai mélangé deux films. T'as fail. Ok. Voilà. Bon, sixième question et avant-dernière. Ok. Donc, oui, juste que je fasse une petite réexplication pour Twitch, vu que je vois que Kyo vient d'arriver sur le chat. On est en train de faire un petit jeu sur Louis de Funès, qui joue dans Les Gendarmes. Donc, voilà. Si tu veux jouer, n'hésite pas à répondre aussi avec oui, nous. Oui, tu peux répondre. Voilà. Voilà. Faut juste que tu penses qu'il y a un petit délai par rapport à Twitch. Donc... Oui, donc c'est normal. Voilà, on laissera un peu de temps. Moi, vous réfléchissez. Il y a le temps de réfléchir. Alors, peut-être pas trop qu'on réfléchisse alors. Vu qu'autrement, on n'est pas couché. Oui, c'est vrai. Bon, le temps qu'on réfléchisse, elle a une heure pour répondre hein, sur Twitch. Hein, c'est bon. Hein. Avoir deux. Hein, ouais, avoir deux. Ouais, ouais. Ouais. Voir plus. Alors. Non, là, tu t'endors plus. Non, vous m'évitez de s'endormir, je crois. Ouais. Alors, question numéro 6. T'as vu, je fais une voix off. 6, simplement 6. Sauf 6. Alors, dans le film Les Gendarmes en balade, les gendarmes se trouvent dans une usine. J'ai pas vu ce passage-là dans le film, alors raconte-nous. Je veux bien celui-là. Picasso. Donc, dans le film Les Gendarmes en balade, les gendarmes se trouvent dans une usine à chewing-gum pour arrêter un voleur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je connais un qui va répondre vite, je sais pas pourquoi. C'est pas dans ce film-là ? Bah. Dis vrai ou faux ? Non, il n'y a pas d'usine à chewing-gum, non ? Non, bah non. Non, c'est dans un autre film, c'est pas dans un gendarme en plus. C'est bien, vous êtes pas tombé dans mon piège. Mais oui, c'est la cuisse. C'était Rabbi Jacob. C'est ça. C'était un piège, c'était dans les aventures de Rabbi Jacob. Ouais. Je trouve qu'on a encore la plus raison. La scène qu'ils ont refaite 10 fois, là. Ouais, mais on a encore plus raison vu que Twitch est comme nous. Ils disent faux aussi. Bah là, merci Twitch de confirmer. Tant mieux alors. Alors, dernière question. Bon, je crois que même le Twitch pourra répondre assez vite, et vous aussi. Oh, ça a l'air de dire ça. Même avec le temps de délai. Non, mais oui, c'est ce qu'elle voulait dire, pardon. Qu'est-ce que tu veux savoir si tu as le droit de revenir ou pas Alors, moi, personnellement, ça m'aurait pas plu à leur place, vu que c'est quand même une attaque assez violente. Non, mais en fait, elle voulait dire qu'il y a quand même un temps de latence avec. Oui, voilà. Voilà. Oui, c'est quand même assez facile, je trouve. Ouais, voilà. On a pas été sympa, ni avec Jade, ni avec Twitch. Bon, Twitch n'est pas habitué, mais Jade, si. Alors, septième question. Les gendarmes s'occupent. Je suis fatiguée, moi, ce soir. C'est. Wow. T'as trop travaillé pendant la période. Tu veux que je te donne un bon conseil ? Oui. La nuit, ça sert à dormir. Mais je dors, tu crois que je fais quoi ? Là, il fait nuit, tu dors pas. Hein. Bah, excuse-moi, moi je viens, ok. Merci, Daniel. Je me sacrifie pour venir, ok. Donc, voilà. Bon, alors, j'ai rien dit. D'accord, c'est très bien, c'était très professionnel. Continue. Merci. Voilà, c'est moi qui vais dormir à ta place. Tu me diras si ça fait quelque chose. Merci. Alors, donc je répète ma question 7. Les gendarmes s'occupent d'une place. Alors. C'est pas pour dire, mais même le chat est d'accord avec moi en disant faut dormir la nuit. Ouais, c'est quand même. Elle a fait un comme si elle avait la soupe au chou là. Non, mais surtout, je me suis levée à 8h pour faire que quelques heures d'ours du coup. Oh là là, mais j'en peux plus. Je vais quitter, j'en peux plus là. Attends, bébère te donne un petit peu de force là. Voilà. Je vais câliner, ça va m'aider. La force du bébère. Voilà. Super bébé. Je le garde avec moi pour ma dernière question. Peut-être elle va finir à la météo. Alors, tu as plein d'encouragement pour faire ta question en plus. Merci. Alors, les gendarmes s'occupent d'une plage nudiste dans Saint-Tropez. Vrai ou faux ? Bah, vrai. Vrai. Oui, vrai. C'est vrai. Vous avez raison. T'étais troublé par la plage ou les nudistes ? Je sais pas. Peut-être la scène qui m'est revenue, je sais rien. J'étais en mode ah oui, c'est vrai. Et le chat qui te dit comme nous, vrai aussi.

Avenger. La pop culture se podcast sur indestar.fr. Why? Oh, il était tout doux ce jingle à côté des autres. Ah oui, il était bien. Ouais, mais je m'y attendais pas, ça m'a fait bizarre, résultat. Il était trop chou. C'est trop chou, Pika. Il était tout choupi. Oh merde. Non, c'est la choupe chou, Pika. Laisse-moi faire secours. Si tu veux, mais non. Vas-y, vas-y, Jade, alors, on te laisse faire. C'est la petite soupe au chou. Pika, Pika. Et c'est voilà. Pas la soupe au Pikachu. Non. Non. J'ai pas envie de finir en soupe, moi. Toi, c'était nul, Daniel, par contre. Hein. Oui. Jade, c'était bien pour une fois. Ah bon? Mais quoi, te plains pas, je te fais un compliment. Non, mais le pour une non, fois, mais... il m'a un peu vexé. Oh, pauvre petite. Non, mais en plus, moi, j'ai été nul pour la mettre en valeur, justement, montrer qu'elle faisait des choses bien. Oui. Pour une fois. Il m'énerve que c'est pour une fois. Alors, oui. Le chat nous fait, il était trop Pikachu. Tu vois, ça continue aussi. Donc, si même le chat s'y met, ça va devenir compliqué, je pense. Louis de Funès avait une variété de choux qu'il affectionnait particulièrement, qu'il cultivait pas mal. Et savez-vous comment s'appelle ce chou? Non. C'est un chou. Si franchement vous le savez, vous avez une drôle de culture. Mais non, c'est le bacalan hâtif. Voilà, si ça vous me dit quelque connaissez chose en vrai. Le alors... chou cabu, ces choux qui sont un petit peu allongés, qui sont délicieux, les premiers choux qu'on récolte. Et ben voilà, il aimait bien cultiver alors... des bacalans hâtifs. Ouais, moi je connaissais d'accord. Que le hâtif en fait. Hein. Ouais, c'est... il connaissait pas, ça va plus vite. Donc, on va rejouer un petit peu vu que là Thierry. Donc, nous avait dit que t'avais préparé un petit jeu, mais toi t'as pas voulu, donc tu as acheté un petit jeu Louis de Funès. Alors, moi j'ai cherché s'il existait des jeux sur Louis de Funès et j'étais agréablement surpris d'en trouver un, mais j'ai été désagréablement surpris de n'en trouver qu'un. En gros, de se dire, on n'a pas inventé grand chose, mais par contre, on a inventé un petit truc qui reste accessible parce que franchement, c'est 9,95, c'est facile à acquérir pour soi-même ou pour offrir. Oui, c'est vrai. Et puis, ce qui est bien, c'est que bon, c'est très facile à utiliser. Vous avez des petites cartes carrées, toutes de la même taille. D'un côté, vous avez un quiz, donc vous avez les questions et les réponses, donc forcément, vous posez les questions aux autres. Et puis, au dos de chaque carte, vous avez une anecdote concernant. Sa vie ou les duos par exemple d'acteurs improbables etc, enfin des petites choses qui concernent sa vie ou le château où il a vécu etc, donc en fait il y en a pour un moment parce qu'il y a 450 cartes hein, donc voilà, je trouve que c'est assez accessible, c'est assez sympa et pour les fans ça peut être un petit objet sympa à collectionner, on peut le ressortir à toute occasion oui. Voilà. Ouais, et il y a 4 questions par en apéro en digestif ouais, ouais. Ah bah oui, on peut le l'avaler tout le temps. En mâchant du chewing-gum, ça rappelle le film. En mangeant de la soupe aux choux, ça rappelle un autre film. Et même pendant le repas chez Septime ou ailleurs, on peut en faire. Hein. Et même si vous mangez anglais avec de la crème sur tous les repas, ça rappelle encore un autre film. Ça passe aussi, voilà. Qui commence? Eh ben, allez-y. Moi, je dirais bien... Je vous ai confié les petites Jade, cartes. Hein. Comme, après tout, comme c'est ta première de l'année... Oui, c'est vrai. On va te laisser vrai. L'honneur, comme en plus tu ne seras pas toujours là quand même. Oui, malheureusement pour nous, on aurait aimé, mais bon. Je vous rassure, j'essaye. Hein. Je fais du mieux que je peux. J'essaie de voir des sujets où je peux venir ou pas. Ouais, pas que les sujets, on va t'obliger, tu vas voir. Ah, non. Ouais. Alors, je veux pas dire, mais c'est pas très malin de menacer pendant qu'on peut te voir quand même. Ah ? Parce qu'on me voit ? Oui, on te voit là. Juste là. Tu peux faire un petit coucou, voilà. Le mec flippant. Il va être coucou. Non, mais c'était la reine d'Angleterre qui faisait comme ça. Non, peut-être que le roi. Elle fait comme ça, déjà. Bon, bah, je suis le roi, tant pis. Hein. Je fais pas pareil. Bon, je commence avec la première question, j'imagine. De ma bah, carte. Oui, vu que t'es la première, tu commences avec la première. Alors, c'est okay. Tu choisis celle que tu veux. Ça tombe bien parce que la question que j'ai sous mes yeux, elle est en thème avec ce que je viens de présenter. Alors. Quel est le nom de la religieuse dans la série des films Le Gendarme? C'est sœur... Frère. Allez, Thérèse. C'est pas Clarisse? Non. Après. Je crois que ça commence par un C, ouais. Ouais, c'est un C. Ouais. Non. C'est pas sœur Caroline, sœur Clara, sœur Chantal... Sœur Courgette et autres. Non, courgette, c'est la bouffe, ça. Ah, zut. C'est pas clair. C'est pas la calembour. La grosse folle, là. Oui, ouais, je vois, ouais, avec la doche, là. Vous voyez qu'il finit toujours dans un état où c'est... Une réponse sur Twitch. Non, pour le moment, il n'y a pas de réponse. Ils n'ont pas fait leur recherche internet. Donc Twitch, n'hésitez pas à jouer avec nous. Oui. Ouais, bah oui, quand même, oui. Trichez pas non plus. Hein. Non. Bon, bah, après, si personne trouve, oui, vous pouvez tricher, mais bon. Bah, apparemment, ils peuvent tricher. Hein. Alors, bah, allez-y, enfin, trichez. Je viens d'avoir une proposition, Clotilde. Quoi ? Clotilde. Clotilde. Ah, moi, j'ai entendu, c'est pour ça que je me suis dit... Bah, ils ont raison, c'est Clotilde. Ouais. C'est sœur Clotilde. Est-ce que tu as regardé sur internet ? Ah. Ils vont te dire non. Non, non, j'ai fait tout le calendrier. Et je suis arrivé au jour de Clotilde. Ah, comme il avait fait tous les autres prénoms en féminin, c'est, je me suis dit. Eh ben, il en manque un. Voilà. Savez, voilà. En disant calendrier, je me dis, oh, un calendrier de Funès, ça serait sympa avec une photo différente chaque mois, trop bien. Une petite anecdote. Ouais. Et dedans, on ne met que les prénoms des gens qu'il a connus quand je jouais avec lui. Les autres, on s'en fout. Finalement, on peut lancer l'appel au musée de Funès ou aux ayants droit s'ils nous autorisent à créer un calendrier de Funès. Oui, ça serait bien. Ouais. Alors, les droits vont peut-être te coûter cher, faut qu'ils nous laissent. Non, mais... ça rend hommage, en vrai. Voilà, qu'on crée, et puis qu'éventuellement, les droits reviennent au musée de Funès. Hein. Bah oui, bien sûr. Hein ? Bon, c'est une proposition. Tu te démerdes. Voilà. Voilà. Bon, si vous êtes d'accord, appelez le 0970-407-306 pour nous confirmer. Hein ? Que vous êtes d'accord. Ce qui serait bon, c'est de chercher si ça existe pas déjà. Mais je m'en fous, ça serait le Made in the Star. Oui, voilà. Voilà. Oui. Ah, bah, c'était sœur Clotilde et frère Daniel qui vous faisaient un gros speech. Voilà. Alors, c'est bon pour la question. Est-ce que tu as regardé un petit peu les anecdotes? Oui, j'ai un petit bonus derrière. Une petite info par rapport à Louis de Funès. C'est logique, c'est le thème du jeu. Waouh, Jade, franchement, waouh. Merci. Merci. Merci, Captain Obvious. Alors, il faut savoir qu'en 1932, poussé par ses parents, Louis de Funès s'inscrit à l'école technique de photographie et de cinéma. Le jeune homme de 28 ans n'y restera que 8 mois avant d'être envoyé pour indiscipline et incendie volontaire. Une mésaventure qui n'entachera pas la passion de l'acteur pour la photo. C'est un caïd quand même, hein. C'était un agité. Ah, ça, ouais, on le voyait. Tout, ouais. Il confiait volontairement qu'il était très nerveux. Hein, ça pouvait se sentir dans son jeu. Oui. Ouais. À qui le tour maintenant? Parce que moi, je suis passée. Mais... Allez, si, je vous laisse. Allez, j'y vais. Allez, vas-y, Daniel. J'y vais parce que c'est à propos d'un film que j'aime beaucoup. Dans les grandes vacances. Oui. Ah, bah justement, tiens. J'avais pas lu la suite, j'ai vu les grandes vacances, je suis arrivé là-dessus. Quel plat dégoûtant la famille anglaise, certaine la Bosquier, donc qui est Louis de Funès, et Michonnet en guise de hors-d'œuvre. Alors attends, il y a de la crème sur tout déjà. Oui. Ouais, déjà aussi. Qui dit c'est le dessert? Non, ça c'est encore. Non, c'est pas encore le dessert. Non. C'est pas... Mange mon fils. C'est bon. Mange. C'est bon. Mais on peut finir là. J'en peux plus de la crème. Ce qui est arrivé. Oui. Je sais plus exactement. Alors je sais que ça se fait, qu'il y a des gens qui en mangent. Donc depuis, peut-être que je sais pas, ça a inspiré finalement des recettes. Hein. Peut-être. À savoir que dans les anecdotes, j'ai lu que en fait, c'était pas des faux plats. Hein. Ouais. C'était vrais. On faisait des vrais plats avec un chef. Hein. Ils ont de la chance. Hein. Mmh. Ouais. Bah de toute façon, je. Et ouais. J'ai même lu qu'il y en a même qui en profitaient d'ailleurs pour bien se régaler, sachant que c'était des vrais plats. Mais comme vous savez, parmi d'autres grands acteurs, qu'on a tourné des films où on faisait croire qu'on buvait de l'alcool et que parfois c'était pas du faux alcool. Mmh. Hein, donc, bon. Bah, je sais qu'il y a des acteurs qui réclamaient que ça soit pas du faux. Hein. Oui. Voilà, Tonton Flingueur et autres. Hein. Ils flinguaient pas que. Ils flinguaient aussi les bouteilles, on va dire. Hein. Il y avait de la pomme, mais pas que. Hein. Ils flinguaient un peu tout. Donc, non, aucune idée? Non. Un truc à la crème, sûr. Presque, il y a du lait. Et dans le lait, il y a la crème. Bah, logique, oui. Oui. La crème est composée de lait. Et c'est un fruit de mer. C'est pas les huîtres? Les langoustes. C'est les huîtres dans une soupe au lait. Oh là là, mon Dieu. Ah oui. Je mange pas forcément des huîtres, mais en voyant le tableau comme ça, ça donne pas très envie, en fait. Non, c'est... Ouais. Ouais. Je passe mon tour aussi. Hein. Enfin, les huîtres, déjà, si tu les manges pas un tiers que l'intérieur, c'est déjà un bon début. Oui, bien sûr. Déjà, c'est déjà ça. Tu les manges pas pleines, c'est ça? Je les préfère vite, comme ça, ça me pose pas de problème de digestion, ouais. Tu vois. T'as moins de problèmes de digestion. Voilà, c'est ça. Ouais. Sachant qu'il y a une anecdote derrière, bah, je vais vous la lire. L'info, c'est mon chauffeur. C'est ce qui est marqué, hein, donc je suis obligé de prendre l'accent. Alors, Louis de Funès a pour chauffeur un homme dénommé Georges. Mmh. Il l'a engagé sur les conseils de Gérard Rouy, avec qui il a tourné quand même plusieurs films, dont les plus célèbres quand même, et Michel Morgan. Alors, Georges, c'était pas que le chauffeur, c'était aussi son garde du corps. C'était un ancien catcheur. Oh, eh ben. Donc, Kevin, si tu rencontres un Louis de Funès un jour, tu as des chances de devenir chauffeur et garde du corps. Hein. Vu que t'es quand même, vous le savez pas, mais c'est un ancien catcheur, Kevin. Oui, j'ai fait du catch quand j'étais plus jeune. Donc, voilà. Forcément. Ouais, vu que c'était avant, t'étais plus jeune, de toute façon, oui. Forcément. Et j'étais pas grand non plus, si tu vas par là. Il faisait son Louis de Funès. Non, je volais un peu partout, mais bon, bref, c'est un autre débat, ça. Ah ben justement, je te laisse la parole. Bah, de toute façon, j'ai pas besoin que tu me laisses la parole non plus. Hein. Bah si, pour que je la ferme. Ah, c'est vrai que ça peut faire du bien. C'est vrai. Citez 4 répliques récurrentes chez Louis de Funès. Sortez. Il fait sortir tout le monde. Alors, je l'ai pas dans mes propositions. Oui. Non, mais dites donc. Non, plus, oui. Hein. Non mais dites donc, c'est pas lui. Non ça, c'est Bourville. C'est bon. Non, mais dites donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a... Ma biche. Ah oui, ah, ma oui. Biche. Ah oui. Ma biche. Mais tu sais que ça a influencé toute une génération, notamment la mienne. Mmh. Dès qu'on avait une copine, on l'appelait ma biche. C'est génération de chasseurs. Bah, en même temps, il fallait aller à la chasse. Hein. C'était un influenceur avant les réseaux sociaux. Ouais. Viens. Oui, ma biche. Ah oui, c'est vrai qu'on est obligé de réfléchir. Alors, meubler en réfléchissant, c'est pas évident. Alors, vous voulez meubler, Ikea est un très bon choix d'ailleurs. Ouais. Ah non, c'est pas de ces meubles-là qu'on parlait. Non, on a des meubles Indestar. Est-ce que c'est le son d'anglais sur tout le temps différent ou est-ce qu'il y en a qui reviennent? My lord, yes, my lord. Non. Non. Non. Non, c'est pas non plus hyper récurrent, quoi. Non. Ah bah non, on est coincé là, dis donc là. Pourtant, il y en a. Ah mais il y en a une, c'est tellement évident en plus. Oui, sauf que quand il y en a trop, on sait plus. Bah, c'est celle Ah ouais, mais celle-là. C'est celle que j'ai dit au début. De quoi, c'est laquelle? J'ai dit but you are very sympathetic, non. But non. Non. Non. Ah non, il y en a une dans tous les films. Ou c'est on ce. L'a. Pour moi, s'il y a une réplique qui le caractérise, c'est celle-là. Tu vois, on est comme Et bande... paf. Aya. Quand il fait paf. Ça fait mal aux oreilles là. Ah, c'est moche. Paf, je sais pas, c'est sa meilleure réplique pour moi. Et paf, on a perdu. Comme quoi, il se contente de peu. Oui, mais il l'a fait tellement. Ouais, et c'est vrai que tu parles de réplique, mais c'est vrai que moi, en parlant de réplique, je suis plus coincé sur ses grimaces, ses mimiques. Oui. Et oui, c'est vrai que oui, ça. Et je cherche ce qu'il y a autour. Là, on est à cheval sur les deux, dans les paf. Il y a les gestes avec. Et c'est vrai qu'il y a le geste avec le poing, là. Hop là. Fait, oui. Pas Flochien, d'ailleurs. Ouais. Non, c'est pas Flochien l'histoire. Oui, pas Flochien, oui. Ouais, aussi, oui. Donc, en exemple, donc, j'avais Stéphanie, oui. Foutez-moi le camp. Oui, c'est ça. C'est aussi ça. Ah oui, Stéphanie, oui. Saligo. Foutez-moi le camp. Ah ouais, petit saligo. Donc, paf. Ouais. Dites, vous foutez de moi. Ah, les deux dans tiens, oui. Vraiment. Andouille. Ah, ouais, en plus. Ouais. Le pire, ouais. Je le dis pas du tout en te regardant, c'est ça le pire. Ouais, oh, ouais, non, mais j'avais compris que c'était sous-entendu. J'en peux plus. Ah, j'aurais pas trouvé celle-là. Ouais, moi non plus. Non, franchement. En voilà assez. Y a pas il m'épate, non. Non, c'est que dans un film, ça. Ouais, c'est ça, c'est dans la pub. Pas, ouais, c'est ça. Et donc, la dernière, c'est... Ça, je ne le tolérerai pas. Ah, moi aussi. Ouais. Ah, bon. Et quand il joue le gendarme, quand il entend quelque chose qui lui plaît pas, il dit... Qui a dit ça? Oui. Il fait comme ça, il fait... Qui c'est qui a dit ça? Il approche. Avec son visage, là, j'ai le visage en tête, je suis en mode « moi ». D'ailleurs, tu l'as bien fait, hein, je t'ai regardé quand tu l'as fait. Oui, tu l'as bien fait. Je l'ai fait bien. Vas-y, refais Jade. Ok, il fait comme ça. Qui c'est qui a dit ça? Il tient même l'épaule d'un gendarme, il fait... On a vu malgré le micro, oui. Ouais. Oui, on a vu. On a bien vu. Ouais. Non, t'as pas réussi à te cacher derrière le micro. Non, le micro est pas assez. Derrière Bébé, ça doit marcher. Bon, je suis caché là. Ouais. Alors on te voit encore. Tu peux encore te planquer. Moi, je me suis mis en blanc, moi. Je dirais bien une réponse, mais elle va pas te plaire. Allez, on en prend une autre. Alors peut-être que je dise mon info quoi. Ah, ton info, ouais. Oui. Bah, oui. Ah ouais, non mais je voulais te couper la parole et tout. Moi, je te alors non, on ne coupe pas la parole. Ah bon, bah alors si on ne coupe pas la parole. Si tu veux, vas-y. Hein. Allez. Le Cornio en vrai. Donc l'intrigue du Cornio est inspirée d'un fait divers. Jacques Angelvin, un animateur de télévision française, est arrêté en 1962 à New York pour avoir caché plus de 50 kilos d'héroïne à bord d'une Buick Invicta. Une Buick. Oui, une Buick. Buick. Buick. Donc il a convoyé de Paris au Havre. Ouais, d'ailleurs, il a fait un film qui s'appelait Bouic Bouic. Donc, il plaidera coupable pour alléger la procédure judiciaire et écopera de 6 ans de prison. Ouais, ça fait pas trop cher le kilo d'héroïne, hein ? Ouais. Non, ça va. Ouais, ça va, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Bon, il a peut-être perdu le kilo d'héroïne, mais bon, tant pis. Hein. Alors, enfin, les 50 kilos. Les 50, ouais, plutôt. Ouais. Il a même pas pu en carotter un kilo. Non, l'histoire ne le dit pas. Bon. Non, l'histoire ne le dit pas. Bon. Moi, je voulais vous poser une question que j'ai préparée moi. Ah, en fait, voilà. Débrouillez-vous. Voilà. Qui est peut-être dans les cartes, d'ailleurs. Attends, on vérifie. Vérifie tes cartes. Dans un film, entre autres, il apparaît le nom de Tricatel. Est-ce que vous savez ce que désigne Tricatel ? Parce que ce n'est pas un nom de fiction, ça a réellement existé. Pour la même chose, c'est pas un mélange de deux noms en fait. Mais déjà Tri, c'est trois. Alors je ne sais pas, je n'ai pas de l'explication par rapport au nom en lui-même. Ouais. Par contre, je sais ce qui a été fait par rapport à ça. Bien, alors nous attendons ta réponse. Donc Tricatel, c'est une société derrière laquelle il y a Jacques Borel. Est-ce que peut-être... C'était la bouffe sur autoroute fin des années 70. Là, alors oui, effectivement, ah ouais. ça veut dire que les films avec la malbouffe, voilà, avec ce nom-là, ça dénonce quelque part, en fait, comment on a développé la bouffe sur autoroute, effectivement, les premiers fast-food en France, le vite fait. Sachant que cette chaîne a tourné un certain temps puis a fini par couler, mais bon, il y en a d'autres qui tournent encore aujourd'hui, mais que voilà, Tricatel c'est bien un vrai nom, hein, une des premières chaînes de restauration rapide en France, et que ce nom apparaît derrière la société qui tient fabrication de malbouffe, ouais, qui est tenu dans le film par Julien Guillaume, je crois le rôle. Ouais, c'est à la fois une question, une anecdote. Moi, je trouvais ça intéressant se dire, il n'y a pas que des noms faux dans les films. Absolument. On en refait une ? On a le temps ? Oui, on peut faire un dernier tour quand même. Ouais. Okay. Qui entame le tour ? Allez, Jade. J'ai commencé, Jade. Alors c'est moi. Ah, tu recommences. C'est ça. Pour une fois que t'es première. Désolé, Jade, on va te faire. Je sais pas à l'école si t'es première ou pas, alors, mais bon, là au moins t'es première. C'est une question avec quelque chose que j'aime bien dedans. Ah. Au secours. De quel titre ? Ça recommence. De quel film est tirée la citation suivante ? D'abord, je ne suis pas ton petit coco. Je ne suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco ? Ça n'a pas de rapport avec Chanel, hein, Coco. Ouais. Non, pas Coco Chanel. Moi, je pensais au Coco Haricot, en fait, mais j'ai pas pensé à Coco Chanel. Là, c'est pas chou, alors. Tu peux la refaire parce que c'était bien fait en plus. Ok. Je prends plaisir à l'entendre, tu vois. Vas-y. D'abord, je ne suis pas ton petit coco. Je ne suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco ? Bah, je t'ai pas bien regardé, mais alors je te regarderai plus tard, mais bon. est-ce que t'as une tête de petit coco ? Le petit coco de personne ? Il est bien en colère. Est-ce que c'est sa femme qui vient vers lui pour essayer de l'attendrir et il la rejette ? C'est pas un film genre... Il a raison. C'est pas un film genre Oscar, Pouic. Tu l'as déjà cité dans l'émission. Ah, ouais, mais alors comme je sais jamais ce que je raconte, j'en raconte tellement que j'ai pas regardé ma feuille, donc c'est pas le Cornio de toute façon. Non. C'est pas la folie des grandeurs non plus. Non. La zizanie. Le grand restaurant. Non. Non. Je sais même plus ce que je raconte. Il dit tellement de choses et tellement de. La loue la cuisse. Non. Non. Non, parce que bon, les cocos à manger dans les... Bon, on va pas se taper tous les gendarmes. Ouais, ça fait un nom autrement. Bon, je vais tricher, hein, si c'est dans ma liste. Le tatoué, non ? Oui, c'est ça. Ah, c'était le tatoué. Oui. Ah, il y a un passage avec sa femme, oui, c'est vrai. En fait, je tiens quand même à dire que le pif de Daniel est excellent. Il a à peine regardé sa feuille, il a dit « Ah non, c'était tout de suite le bon ». Ouais, bah en fait c'est le premier que j'ai vu. Bah t'as quand même eu un pif qui était bon. La petite anecdote. Allez, vas-y. Alors, dans La Grande Vadrouille, Louis de Funès dirige lui-même la marche hongroise de la damnation, c'est ça ? La damnation. De Faust. Non, la damnation, bon, elle existe peut-être, mais c'est une âme qu'on a dans un autre film. Jade, oui. Un compliment, le chat dit que tu fais un très bon... un très bon doublage. Ah, oh, merci. je trouve que vous faites des très bons doublages. Ouais, je fais un peu de doublage à côté, donc oui... De doublage, pas de redoublage à l'école, je précise. Hein. Non. Non, c'est pas pareil. Non. C'est pas trop dans mon but, ça, en fait. Alors, donc, Damnation de Faust, si je me trompe pas. Damnation. Il y a un M et un N, là. Bah, oui, ça bah, on prononce pas. Le me, on le prononce pas, me. Ok, bah, Damnation. C'est un me muet. C'est une vache qui parle pas. Un me muet, voilà. D'Hector Berlioz. La scène est un véritable défi pour ce musicien autodidacte et peu familier des partitions. Après le dernier accord, l'acteur très ému reçoit l'approbation des musiciens. Tu me regardes avec du doute. Dext, aussi. Est-ce qu'on doit aussi approuver? Parce qu'elle me regarde. Regarde comment il est là, comment on le voit en plus et comment Twitch le voit. C'est génial. Il est en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Oui, et puis en plus, ça me regarde. Mais Pierre, j'ai fini. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je dois répondre? C'était trop bien. Je dois dire quoi? Je vais te dire, t'en penses quoi? Eh ben, c'est très bien. Tu as très bien. Voilà. Ah non, mais oui, voilà. Déjà qu'elle m'a fait la damnation. Hein ? Excuse-moi, moi je lis ce que je vois. Elle a dit faux, ça, elle a pas dit faux. Elle aurait pu ne pas prononcer le STLT. Hein. Voilà, hein, voilà. Ouais. Oui, par exemple. Oui, bah moi finalement je vais vous parler du. On parlait aussi de Fantomas un petit peu, j'en ai parlé. Ah, j'aime bien Fantomas. Dans Fantomas Deschen, Louis de Funès, le commissaire Juve, utilise 3 gadgets. Vous pouvez au moins m'en citer un ? Inspecteur. Oui, c'est déjà lui l'inspecteur gadget avant l'heure, ça, il n'y a aucun problème. Il y a l'espèce de pistolet quand ils sont dans la base avec Fantomas. Oui, le cigare pistolet, c'est ça ? Oui, voilà. Voilà, c'est ça. J'aurais pas été capable de te ressortir. Exact, le nom, qui se règle avec la molette de la bague du cigare. La troisième main. Exact, il y a la troisième main. Après, c'est bon, j'ai fait mon taf, hein, démerdez-vous. Ah non, mais là, bien, déjà, fallait s'en rappeler. Surtout que je sais que c'est pas un de tes films préférés. Non, c'est pas. Il y a des bons trucs, mais c'est vrai que je sais que c'est pas un de tes préférés. C'est pas mon nom. S'il y en a un que t'as à revoir et revoir, je sais que c'est La Grande Vadrouille. Oui. Voilà, mais. Le troisième, c'est pendant qu'ils sont invités à la fête chez le marquis, là, qui finalement est Fantomas. Hein, pendant la fête, Louis de Funès s'est déguisé en quoi ? C'est les masques de Fantomas. En cochon. Pas tout à fait. C'est sur le déguisement de Louis de Funès. Ah. Il est en Pikachu. Ça commence pareil. C'est en... pas en Pikachu. C'est en En professeur. Rana. Rata. Ah. Non, j'aurais voulu le voir. Aspirateur. Bon. Je suis parti dans les animaux, moi. Ouais, tout de suite. Je sais pas comment Jade a fait pour... Je sais pas, moi, voir, tout Voilà, pour voir, quoi qu'il est petit, il aurait pu se déguiser en piranha. Le chat nous propose un inspecteur gadget, autrement. C'est vrai. Non, en fait, il est déguisé en pirate, et il a aussi un fusée... qui, pour ceux qui ne le savent pas, veut dire pirate en breton, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a un bateau aussi sur Epic, ce sont des pirates. C'est, en fait, une jambe de bois qui fait la mitraillette. Ah oui, la jambe de bois, oui. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Vous voulez l'anecdote peut-être ? Oui, l'anecdote. Alors je sais pas, je l'ai pas lu, alors je vais peut-être bafouiller, je vais peut-être faire une damnation. Moi aussi j'ai bafouillé tout à l'heure, voilà. Ouais. Oh. Space Quality. Faut vraiment être nul quand même pour bafouiller. Impressionné par les effets spéciaux de rencontre du troisième type. Oui, ils ont rencontré le troisième type, en effet, de Steven Spielberg. À chaque fois j'hésite à savoir si c'est le troisième type de la rencontre ou s'il y avait un troisième type dans l'histoire. Hein. Louis de Funès souhaite une soucoupe volante aussi spectaculaire pour le gendarme et les extraterrestres. La construction de l'OVNI sera alors confiée à Matra. Ah, waouh! Matra, qui était donc spécialisé dans les héros spatiaux. Oui, on peut avoir l'impression comme ça, des effets spéciaux, ils sont bricolés, machin, mais non, pas du tout. Ouais, ouais. Ce qui a été bricolé, parce qu'on n'avait pas le numérique à l'époque, c'est le fait de pouvoir mettre sur une bande existante un objet, ce qui relevait quand même d'un certain nombre de choses, parce que maintenant c'est très facile, oui. Hop, on clique, on reclique et on reclique, et si on connaît le programme, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, ce n'était pas un programme. Il fallait donc, je vais dire, faire des découpes oui. d'une façon ou d'une autre. Et bravo quand même pour ce qui était fait. Même ouais. si maintenant, les gens me disent « Ouais, les effets, bah, replacez-vous à l'époque. » Ben oui, c'est ouais. bon. Hein, bah, c'est ouais. ça. Il voilà. faut prendre on avec pas, le on temps. On n'est pas en 2022. Hein, voilà. Il faut se calmer. C'est hein. ça. Ouais. Regarde, ça fait comme quand, par exemple, tiens, je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, mais les jeux vidéo. Ouais. Quand on entend, par exemple, qu'ils te disent « Je vais prendre Battlefront 2 qui est sorti le premier en 2004. » Mmh. Qu'on te dit, ouais, mais le dernier qui est sorti en 2018 ou 2019, il me semble, il est meilleur parce que les sabres, on a plus l'impression, il est mieux. Bah non, mais c'est. Ah oui, mais c'est l'évolution. Bah oui, c'est ça. Si tu regardes le par contenu exemple, du jeu à côté, je m'adresse, par y a exemple, pas match. Aux fans de FNAF, par exemple. Le tout premier jeu, par rapport à celui qui est sorti en novembre. C'est pas le même, bah, évidemment, c'est mais c'est aussi les années. C'est ça qui change en fait. Mais ça veut pas dire que les gens qui sont plus jeunes que nous là, parmi l'équipe là, ils sont meilleurs que les vieux. Hein. Alors ça, je ne suis pas d'accord avec toi, bizarrement. Je voudrais juste faire une remarque. Jade, tu nous fais ton Louis de Funès avec le casque comme il est posé. Oui. J'ai un petit peu mal à la tête, c'est pour ça. Ah d'accord. C'est moi qui te. Non. Je sais pas. Non bon. Non, bah, attends, je vais m'éloigner, peut-être que c'est ma présence. Ah. Alors, éloigne-toi encore plus, je pense que t'es pas encore assez loin. Oui, mais après, il va falloir que tu touches au bouton. Il va nous péter un écran. Ah oui, c'est vrai. Donc, oh tiens, allez, tiens, on va rester dans l'univers de Fantomas aussi. Allez, c'est parti. Ah. Ouais, comme ça, sûr, vous allez avoir la réponse, mais bon, c'est... Compléter cette célèbre réplique du commissaire Juve, je t'aurai. Un jour. Mmh. Fantomas non. Je t'aurai, Fantomas. C'est ça, oui. Mais lequel? Un jour ou Fantomas? Non, c'est toi. Ah, c'est moi. Non, oui. Parce qu'il disait un jour en même temps. Mais donc là, je pensais à la pub, je l'aurai un jour. Ah, c'est la meuf. Bah oui. Ouais. Est-elle inspirée de Fantomas? Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Ah, hey, ah ouais, hey, ouais, ouais, hey, ouais, ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Hey, quand on y pense. Louis de Funès inspire-t-il encore? Et ça, oui, oui. Il moi, je dirais encore. Bien si Twitch a la réponse, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Il ne respire plus, mais il inspire. Ou autrement, pour ceux qui nous écoutent également à la radio, n'hésitez pas à nous appeler. Absolument. Par contre, je n'ai pas le numéro, donc je ne oui, pas. Oui, mais moi, pas, je donne le tien. Alors, non mais moi, pas je le connais par cœur, moi. Hein. Eh ben, vas-y. Je vais faire mon cacou, là. Allez. C'est le 09 70 407 306. Appelez. Et le standardiste Daniel vous répondra. 599. Mais sûrement pas avec cette voix-là. Hein. Faut voilà. pas abuser quand même. Non, quand même. Hein. Hein, voilà. C'est lui qui vous répondra. Là. Et le chihuahua, il va se calmer. Le chihuahua, il se calme. Il est content, il s'est fait tirer les cartes. Moi, bah, je préfère me faire tirer les cartes qu'autre chose. Hein. Ouais. Les oreilles, je pensais. Tu veux oui. dire que. Oui, évidemment, on pense à rien. Tu veux dire hein. que le hasard fait mieux les choses. Bah oui, parce que on a tiré les cartes. Hein. Oui. Ouais. Alors, pour l'info, on va retourner à ma biche. Oui. Biche, oh, ma biche, lorsque tu soulignes. Non, c'est pas. Non. Petits yeux. Non, on se trompe d'émission, pardon. Aïe, aïe, aïe, au secours. Non, ouais. c'est pas The Voice, là. Ça ne marche pas, les gars. Vous donc... connaissez The Voice in the Star? The Voice. Bon, pardon. Ouais. Donc, la vie d'un honnête homme sorti en. 52. Ah, c'est pas celle de Daniel. Non. Ah non, surtout pas. Non, c'est pas la mienne non plus. C'est un autre débat, ça. Marque la première rencontre entre Louis de Funès et Claude Chansac. Jean qui... Sac. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit Chant. Ah bon, Jean Sac. Bon, qui va souvent interpréter sa femme à l'écran après, quand même. Mm-hmm. Même pratiquement tout le temps, même. Ouais, pratiquement, ouais. Donc, sur les conseils de son épouse, donc Jeanne, l'acteur lui confie le rôle de sa femme lors de l'adaptation d'Oscar au cinéma en 67. Un rôle que Claude, donc Jean Sac, endosse à cette reprise sur les 11 films qu'elle tournera avec Louis de Funès. Jusqu'en 1982. Oui, absolument. Oui, elle est dans le gendarme. Et... Elle a oui. joué sa femme entre 1967 et 1982. Ouais. Mmh. Hey, heureux les acteurs, il y en a qui ont une femme et une maîtresse, lui il avait une femme et une actrice. Mmh. Rêve. Ah là. Oh, je sais pas si ce serait si bien quand même. Non mais je disais ça histoire de faire un peu d'esprit pour changer de mon humour débile. L'esprit, es-tu là? Ah oui. Alors c'est bien, t'as voulu le faire, c'est cool. Mais le problème c'est que c'était tout pété. Donc ça a plus d'intérêt en fait. Complètement. Vive le travail en famille. Oui, pareil. Voilà. Oui. Et ben on enchaîne. Voilà. Ouais, parce que tu casses mes répliques, alors moi je fais la tête. Tu veux de la musique alors, Daniel ? Non, je la mets pas. La non, musique d'accord. adoucit Daniel. C'est pas grave, j'ai quand même l'annoncé, c'est Bleu Toucan, Le Hublot. Et c'est sur Indestar toujours. Endormi depuis une heure, sur nos bagages, on respire fort. Des vitres d'aéroport, et là au fond, un ciel d'aurore. Entre nulle part et ailleurs, coup d'œil distrait sur des photos. Les Peak Avengers, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. Oui, sur Indestar, évidemment, on ne bouge pas. Jusqu'à un peu plus de 23h, à mon avis, au rythme où on est parti. Mais ouais. Bon, comme toujours, puis bon, on passe un bon moment aussi quand même. Il disait c'est comme une boîte de chocolat, mais c'est aussi comme une boîte de jeux. On ne sait pas sur quelle carte on va tomber. C'est ça. Exact. Mais la réplique du chocolat, excuse-moi, était un peu plus connue. Puis au final, c'est un peu comme de Funès aussi. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ouais. Ah oui, complètement. C'est vrai ce que tu dis, oui. Pour une fois que j'ai un truc de sensé qui passe par la tête, faut en profiter, c'est pas souvent. Je confirme pour une ça fois. Ça fait mal. Ouais, mais je m'auto-vanne, comme ça, il n'y a pas d'espace. Picaille. Arrête. Je vais grogner, arrête. Non, on va voir un deuxième chihuahua, alors. Donc, bon, Évidemment, donc nous on passe un bon moment. On espère que vous sur Twitch c'est le cas aussi. Ceux qui nous écoutent, on espère également que c'est le cas. Oui. C'est le plus important quand même quand on fait une émission comme ça, c'est de s'amuser aussi quand même. Ouais, c'est de passer un bon moment pour nous. Et je voudrais faire un coucou. Voilà, c'est ça. Oui, et bah, je vous ai parlé de, t'as fait coucou, d'un, ça y est. D'un de mes élèves qui a eu malheureusement un accident dont je m'occupe, mais qui nous a découvert, qui a commencé à nous écouter. Comme il se couche assez tôt parce qu'il faut qu'il se repose, il écoute en podcast, mais il réécoute les podcasts, il regarde Twitch, etc. Donc coucou Antoine, voilà. Alors, bah, et puis Antoine, quand t'iras mieux, t'es invité à venir. Parmi nous. Oui, pour faire partie de la team Peak Avenger. Oui, c'est vrai. Vous pouvez tous y faire partie. Oui, tous nous rendre visite. J'en suis l'exemple. Voilà. Alors, c'est pas un bon exemple à prendre, mais c'est pas grave. Oui, puis comme nous a dit, surtout les Peak Avenger, comme nous a dit en off il n'y a pas longtemps Thierry, Peak Avenger, écoutez-les tous. Tant qu'à continuer. Bah voilà. C'est ça. Donc, moi, je vais vous parler de quelques répliques de Funès qu'il a improvisées, que je trouve juste magnifique en fait. Vas-y. Alors, on va commencer par la folie des grandeurs. Mm-hmm. Ah, alors, oui. Là, il y en a une. Il est l'or, monseigneur. Oh oui. Ah, celle-là, oui. Celle-là, l'échange. Il est l'or, monseigneur. Il en manque une. Vous êtes sort, tout à fait sort. C'est... Elle est trop bien. Et là, en plus, c'est complètement un échange qui est improvisé avec Yves Montand. Ouais. C'est, au début, on le voit qu'Yves Montand est... Bah, vu que c'est lui qui commence en plus. Ouais. En faisant « Il est l'or, monseigneur », tu sens que De Funès est surpris. Mais vu qu'il est habitué à improviser, à dire tout ce qui lui passait par la tête... Ouais, et j'ai lu des explications par rapport à ça, en fait, qu'ils étaient tous les deux, ils avaient des différents politiques et que cette réplique aurait pu partir en couille et qu'en fait, ils ont joué le jeu tous les deux et que même après, ils s'amusaient à échanger leurs fauteuils. Enfin bon, ils sont devenus copains, mais ça aurait pu être plutôt double. Ça aurait pu partir dans un autre sens. Donc... celle-là, puis bon, La Folie des Grandeurs, un très bon film avec De Funès aussi. Ah oui, c'est un de ceux où je me lasse jamais de le revoir. Oui, il y a tellement. Alors, oui, il y a des films où on a peut-être l'impression de répétition, mais là, c'est pas le cas. Celui-là, c'est. Pour moi, on va dire, dans les films que je mets vraiment au-dessus de De Funès, donc La Grande Vadrouille en 1, pour moi, c'est vraiment son meilleur. Le Corneau, que je mets juste après aussi. Ouais. Et derrière, je mets La Folie des Grandeurs, pour moi. Donc, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec ton classement. Même tout ce qui est Fantomas, tout ça, c'est des très bons films. La Soupe aux Choux, Le Grand Restaurant, tout ça, c'est des très bons films où il est dedans. La Louis et Cuisse, mais il arrive derrière quand même. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ces trois-là, La Folie des Grandeurs, La Grande Vadrouille et Le Corneau, c'est au-dessus pour moi. Ouais. Je sais pas ce qu'il peut faire, mais. Ouais, peut-être l'osmose entre les comédiens. De toute façon, ils sont plus là, donc on ne le saura pas. Voilà, on pourra pas savoir, oui. Mais comme je disais, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec ton classement. Dans la plupart que vous avez cité, il y a certainement pas mal dans la distribution aussi. Il y a pas mal de gens quand même. Oui, je pense aussi. Après, la Soupe aux Choux a peut-être reçu une critique un peu moins favorable sur la fabrication du film. C'est pas du grand tournage, c'est pas forcément un grand scénario non plus, mais bon, ça a plutôt mieux. Oui. C'est plus simple. Bah, de toute façon, on retrouve l'esprit de Funès. Voilà, c'est un esprit de avant tout quand même. Oui. Ouais. Moi, je trouve ça quand même original, la Soupe aux Choux, parce qu'on va pas. Oui, il y a un extraterrestre, on va pas déjà penser qu'il est comme ça et qu'il parle en. Voilà. On pense toujours que les extraterrestres. Cette imitation d'extraterrestre. Ouais, je sais le faire, t'as vu. T'as révisé ton De Funès avant de venir, hein ? Non, pas du tout. Je révise rien, moi. On a mangé de la soupe aux choux. D'ailleurs, ça a pas tardé à faire des effets. Oui, on peut pas forcément imaginer qu'un extraterrestre il parle comme ça. Et aussi. Bah, normalement, quand t'as un extraterrestre, t'as peur. Mais on voit que Louis de Funès, il préfère garder l'extraterrestre. Donc, du coup, c'est quand même original. Même s'il a eu quelques critiques en défaveur, c'était quand même bien. Oui, je pense, comme disait Thierry, que c'est plus le tournage en lui-même qui a été critiqué. Ouais. Enfin, je fais quand même une rectification. Il n'y avait pas un extraterrestre, mais deux dans le film. Oui. On oublie Louis de Funès. Oui. Bah oui. Ouais. C'est vrai. Il commence à parler en langage. Donc on va continuer dans les petites phrases un peu qu'il a improvisées avec tout à l'heure un film dont on a parlé, c'est Fantomas se déchaîne. Encore. Ce n'est pas spécialement mon Fantomas préféré vu que mon Scotland Yard est largement au-dessus. Mais dedans, il y a une réplique qu'il a totalement improvisée. Où c'est Jean-Marie qui est à côté de lui. Dans l'avion. Dans l'avion. Ouais. Ils sont dans l'avion, il lui dit « Mais ce n'est pas un parachute que vous avez !» Et De Funès d'un coup répond « Je m'en fous !» Mais vous allez vous écraser, je m'en fous. Mais vous allez vous faire mal, je m'en fous. Mais d'un coup, je sais pas. Et on voit Jean-Marie qui ne sait plus ce qu'il doit dire et faire. Mais Jean-Marie, il est qui était un des plus grands acteurs de l'époque. Qu'est-ce que je dis quoi ? Voilà. Mais d'un coup, on a ça alors que bon, le film est pas. Voilà. C'est moi, pas le meilleur, c'est vrai. Ouais. Non, c'est. Ouais. Pour moi, des trois, c'est le pire. Mmh. Mais bon, après, les goûts et les couleurs... Absolument. C'est... Je connais des gens qui, eux, préfèrent la série Fantomas. Bon, voilà, c'est question de goût, mais on retrouve quand même l'esprit de Funès. C'est ça, on a l'esprit dedans, ouais. On a tout ça. Et je sais pas, cette réplique, à chaque fois, je m'y attends quand je le regarde. Mais alors, à chaque fois, qu'est-ce que je peux me marrer devant ? Ouais. Et honnêtement, moi, j'ai l'impression que quand je regarde le film, c'est pour voir cette réplique. Oui, moi aussi. Ah si, il y a... Quand Fantomas s'échappe aussi, que tu vois la voiture se transformer en avion aussi, où t'as un petit sourire quand même. Aussi, oui. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment la réplique. Il y a un truc aussi qui m'amuse dedans, que j'ai pas parlé dans les inventions. C'est le fusil à rayon pour télépathique. Oui, que les scientifiques utilisent pour s'échapper de la base. Qui porte à 14,50 m. Oui. Ils auraient pu dire 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 20 mètres. 14,50 m, voilà. La précision est utile. Et on va continuer dans les classiques de De Funès avec La Grande Vadrouille. Mmh. Ah. Forcément, dedans, il y a tellement de scènes d'improvisé que bon... Oui. J'en ai choisi une. C'est quand ils sont interrogés par l'Allemand que Bourvil dit « Eh ben, vous pouvez me tuer, je ne dirai rien. » Et là, oui. De Funès répond « Eh ben, moi aussi. Ils peuvent vous tuer, je ne dirai rien. » Mais celle-là, le « moi aussi, ils peuvent vous tuer », c'est extra, c'est... Et en plus, avec ses mimiques... Je m'en moque. Non, je ne dirai rien. Celle-là, c'est... Entre ça, bon, tout à l'heure, où j'en ai parlé, 4 ans, la Grande Guerre, c'était long, tout ça. Même... Oh, 4 ans, mais 4 ans. Il y en a trop dans ce film, c'est... De toute façon, je crois qu'ils sortent d'un gag pour en rentrer dans un autre, alors qu'il y en a un autre en fond qui se déroule, donc... Et tu vois, je pense que c'est pour ça que je mets La Grande Vadrouille au-dessus. J'ai dû le voir un nombre de fois, mais juste fou. Mais à chaque visionnage, je découvre un nouveau gag. Et ça, ouais. J'aime bien ça. Ah bah oui. Ça, c'est tout simple, mais c'est trop bien. Ouais, je vais juste même faire une anecdote là-dessus par rapport à toi et La Grande Vadrouille. Mmh. C'est très souvent quand... Bon, quand tu me dis que tu te retrouves tout seul le soir, oui. Bah j'ai mis La Grande Vadrouille. Oui, c'est assez souvent... Dès que je suis seul. Tu veux dire que tu t'es regardé dans la glace ? Non, mais c'est je vrai suis que... la grande bête. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, Daniel, c'est totalement vrai. Je sais pas, ce film, j'aime bien en plus. Ah oui, bien, oui, ouais. Et donc, pour finir, on en a parlé tout à l'heure en off, du cornio. Oui. Ouais. La scène avec la voiture. Ouais. Justement, la réplique qui dit après. Quand Bourvil dit bah, « Qu'est-ce que je vais devenir sans ma voiture ?» Et que là, De Funès, d'un coup, « Bah, un piéton, comme tout le monde. » Ouais. De base, la réplique était prévue, mais c'est sur le ton où De Funès l'a dit que c'était pas prévu. Vu qu'il prend vraiment un ton, mais je vais pas dire agressif, mais... Ouais, c'est... Tu la sens que... Ouais, c'est ça. Tu me l'épelles... Ouais, c'est voilà. Ça, c'est ouais. Tu me saoules... Ouais, j'en ai un foot, voilà. Je vais dire, va jouer avec les Lego avec ta voiture, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle un truisme, c'est-à-dire une vérité flagrante. Oui, tu n'as plus de voiture, tu es un piéton. Oui. Ça tue tellement c'est une réponse, oui, profondément vraie, mais qu'on n'attend pas, puisqu'on attend un gag. Ouais, en fait, ça. C'est plus gros qu'un gag. Mais... Et c'est ça qui rend pour moi... Là, bon, j'en ai pris que 5 des répliques, mais il y en a beaucoup plus en vrai. C'est... Oui, t'as fait comme moi, t'as choisi quelque chose. C'est et... ça, ouais. J'en ai choisi bon, que j'aimais bien et qui à chaque fois me font sourire ou même rire. Ah bah oui. Vu que bon, Fantomas, ça me fait rire à chaque fois. La Grande Vadrouille, à chaque fois, elle me fait rire aussi. La Folie des Grandeurs, ben, j'ai un sourire à chaque fois. C'est... Oui, on peut passer d'ailleurs des soirées sympas à se refaire les scènes. Tu commences à parler à table de et vous rappeler de la scène, essayez, on la joue. Hein. Ouais, c'est ça, complètement. C'est comme les films de Dodiard, entre autres. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Complètement. Et d'ailleurs, vu que tu parles de jouer, et la musique, ça se joue aussi. Ah oui. Et donc là, on va voir Caro Leoni, Bruxelles, je t'aime. Qui est de qui déjà de base? Quelqu'un, mais je sais plus. Ça me dit Angèle. Oui. Angèle? Oui. Ah. Tu sais comment je le retiens? Parce que Angèle à Bruxelles? Non. Non, l'année dernière, je disais Angèle. Parce que je suis Bruxelles, non, c'est pas ça. Donc, résultat, j'ai retenu que c'était Angèle. Pikachu Bruxelles. Ouais. Pikachu Bruxelles. Ouais. Je t'aime. S'il vous plaît, sortez-moi de là. On se retrouve juste après pour Twitch. Et puis, bah, à tout de suite. Indestar. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir la carrière de balavoine. Je chante dans ma chambre, j'enregistre, je fais écouter aux copains, ils aiment bien, mais j'aimerais aller plus loin. Tu sais que c'est possible. Hein? Et comment ça? En envoyant tes prods à indestar@live.fr ou en MP sur Facebook. On écoute, on se retrouve et on peut t'annoncer ton premier passage radio sur Indestar. Là où tout commence. Rejoins-nous, Indestar, là où tout commence. Même pour toi, venez, entrez dans la danse. Indestar, là où tout Problème de... Hey les amis, la pop culture, c'est Peak Avenger sur Indestar. Alors oui, sur Indestar, donc... Alors par contre, désolé d'avance pour Twitch, mais j'ai un petit problème. Ah. La souris ne bouge plus. Ah. Ah. Oui. Donc bon. C'est pas... Excusez-moi, je vais aller voir. Oui, vas-y, vas-y. Faut peut-être donc... la débrancher, oui. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, on revient tout de suite pour Twitch, hein, évidemment. Oui, donc là, donc, on a parlé de... de réplique culte, voilà, je cherchais le mot vu bon, un peu galère. Mais là, Thierry, tu vas nous emmener dans des jardins un petit peu secrets. Oui, j'ai mis plein de petites choses en bref autour du titre des jardins secrets de Louis de Funès, voir un petit peu, ben, sortir un peu de l'écran et voir un petit peu derrière ce qu'il y a. Et il y a notamment le château de Clermont, que Louis de Funès a acheté, et dans lequel il a vécu et là où il a fini ses jours. Le château de Clermont que j'ai essayé d'appeler, il est au Cellier, hein, dans la Loire-Atlantique, mais c'est un domaine aujourd'hui privé, donc en fait j'ai réussi à voir la mairie de Le Cellier qui a bien voulu me transmettre des articles sur Louis Funès qui étaient très intéressants. Et j'ai trouvé en fait qu'une association des amis de Louis de Funès, ouais, existe et fait vivre sa mémoire. Et bien on trouve beaucoup de choses intéressantes par rapport à Louis de Funès quand on, ouais, cherche sur cet asso. Alors, et on tombe notamment sur plein d'articles. Thierry. Alors pour Twitch, on est de retour et on s'excuse un petit peu pour ce petit souci technique. On est encore une radio école, donc forcément on apprend et on espère également. Que vous apprenez aussi, puis n'hésitez pas à venir aussi pour apprendre. Oui, là je vais dire la panne, en fait c'était un faux contact qu'on avait déjà repéré et on avait espéré que ça tienne l'émission en fait. Hein. Mais le matériel de rechange, on l'a, on va le changer. Et manque de bol, ça n'a pas tenu. Voilà, on l'a mais pas ici, il faut qu'on aille le chercher, le chercher, qu'on l'installe. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour la prochaine émission, ça sera bon. Mais le principal, c'est qu'on soit de retour. C'est exact. De retour au château. Oui, de retour au château, oui aussi. Le château de Clermont, donc à le Cellier, qui a accueilli Louis de Funès. Mais même avant d'accueillir Louis de Funès, qui a accueilli en fait sa femme Jeanne, donc qui est devenue Jeanne de Funès. Alors on va dire que par des liens plus ou moins éloignés de famille de Maupassant, Jeanne de Funès a hérité de ce château et Louis de Funès a connu ce château je crois en 1943 si je me rappelle bien, mais il va l'acheter après en 1967 et il va s'y installer pour y passer la fin de ses jours. Et en fait jardin secret, c'est jardin tout court parce que Louis de Funès, en dehors des tournages, en fait étant un grand nerveux, il aimait pouvoir se poser et il trouvait dans le jardinage une façon de canaliser cette énergie, de se calmer. Et il cultivait des choux pour faire la soupe. Autres, c'est ça, entre autres. J'en ai parlé tout à l'heure, oui, ce qu'on appelle le chou cabu aujourd'hui. Ouais, dans la région de Nantes, cabu, oui, avec le complan, ouais, bon, forcément. Ouais. Le bacalan actif entre autres. Oui, alors il était un amoureux des roses. Savez-vous qu'il a planté comme 600 rosiers et que pour lui rendre hommage, Meilan, dans les années 80, donc il est décédé en 83, c'est ça je crois. Je ne savais plus si c'était 2 ou 3 en fait. Oui, c'est ça, il est décédé en 83 et après, donc, on a créé un rosier Louis de Funès, un rosier orange. Donc, vous pouvez acheter aujourd'hui un rosier Louis de Funès. Je me demandais pourquoi ils avaient créé, mais vu tout ce qu'il avait planté, oui, c'était une sorte d'hommage qu'on lui rendait finalement. Ouais. Effectivement, oui. Il était quand même fan des rosiers. Pour en planter 600, il faut quand même être fan. Oui, quand même un petit peu, ouais. Il a un peu poussé le bouchon un peu loin. Et donc, il faisait. Il a pas pousser mémé dans les orties. Non, non, non, c'est bien. Bah, il n'y en avait pas dans son jardin, donc non, il ne pouvait pas. Il faisait tous ses plans. On voit, il y a une séquence qui est très connue où un journaliste est venu l'interviewer dans une grande serre, en fait, où il dit, bah oui, je fais mes plans et puis je les fais grandir. Puis après, voilà, je les mets dans le jardin et je récolte. Et moi, je veux... J'ai eu une période où j'utilisais tous les pesticides et les pires trucs. Et en fait, je voyais que mes plants devenaient encore plus malades que si je les avais pas soignés. Et en fait, j'ai observé, ben, sans les soigner, j'ai vu qu'en fait, ils guérissaient tout seuls. Et puis, je me suis dit, bon, il faut que je fasse des choses naturelles. Et donc, il a commencé à utiliser les coccinelles, par exemple, ou à acheter des engrais naturels comme le sang séché, enfin, plein de choses comme ça, et les guano et compagnie. Bon, il s'est mis à être un défenseur de la nature, hein, utilisant donc des procédés un peu naturels, un peu le début du bio, si vous voulez, quoi, mais pour lui. Hein, pour lui. Bah, voilà. C'était ouais, ouais. Du bio très local, alors. Ouais. Ouais, c'était le bio de Funès. Et donc, ben, on l'a pas forcément vu cuisiner. Bon, on a vu tous les rôles, hein, dans les films. On l'a dit, hein, de serveur à chef d'entreprise, en passant par le contrôleur qui va enlever les étoiles, hein, à qui on va faire bouffer des insanités, ouais. pour lui faire payer, quoi. Ouais, pour... qui va même jusqu'à prendre une seringue pour piper le vin. Pour non, mais c'est... Ah mais oui, ouais, c'est fou. On aura tout vu. Hein. On aura tout vu, mais en fait, il aimait la bonne bouffe. Alors, pas au point d'aller faire des super festins, mais il avait ses petites adresses où il aimait les bonnes petites tables. Voilà, donc c'est bien aussi. Donc, je vous disais que alors Jeanne Barthélemy est donc plus ou moins petite nièce du dernier Charlenot de Maupassant, famille Maupassant. Alors, on ne sait pas trop si c'est lié, vous savez, à l'auteur qu'on connaît, oui, Maupassant. Guy de Maupassant. Bon, au bout de certaines générations, on se dit on n'est pas trop sûr du lien, mais enfin, on va imaginer un moment, que. Ouais. J'ai juste envie de faire une remarque. Hein. Oula, elle était un écrivain et s'appelait Maupassant. Attends. Ah ouais? Attends, vu que je veux qu'on te voie sur Twitch pour ta réflexion. Vas-y. Ok. Voilà. Rendez-vous compte. S'appeler Maupassant et être écrivain. C'est quand même quelque chose de... C'est prédestiné quand même. Voilà, ça y est, je l'ai fait. Maintenant, vous pouvez passer à la suite. Hein. Attends, tout ça pour ça? Bah oui, oui. Juste pour ça. On serait sur une radio pour commerciale, un on enverrait la pub, mais... Oh là là. Bah là, on a envoyé le Daniel. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais je suis déçu. Je m'attendais à un truc de ouf. Non. Bah non, non, non, bah non, non, oh non. Le ouf ici, c'est de Funès, c'est pas moi. Hein. Oh non, mais la déception. Je suis juste derrière, moi. En numéro 2, mais... peut-être. Ah, oh, je suis triste. Bah vas-y, Thierry. Bon, on va parler femme. Ouais. Allez, vas-y, Thierry. Non, ce qui est amusant, c'est entre sa vraie femme, donc sa deuxième femme, Jeanne de Funès, et la femme à l'écran, hein, Claude Jansac, en fait. Claude Jansac était tellement présente, donc on disait tout à l'heure, je sais plus, 67, 83, quelque chose comme ça, qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bah en fait, ça doit pas être que son épouse à l'écran. Elle joue tellement bien les choses. Et d'ailleurs, Elle a demandé quand elle a été recrutée, donc c'est Jeanne qui a remarqué que ça devrait être une bonne actrice. Elle je croyais que t'allais dire une bonne épouse. Elle a une bonne épouse à l'écran. Elle a demandé à De Funès, donc pour jouer dans Oscar notamment là au théâtre, ça a beaucoup marché, puis après au cinéma. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et il lui a dit, bah, tu me suis. En fait, quand vous regardez la pièce, vous la voyez vraiment le suivre, quoi. C'est hein, vrai, donc, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et ça a cartonné. À un tel point qu'on a pu croire que c'était sa vraie femme, quoi. Ouais. Après, en dehors de ça, petite aventure avec Macha Merrill, voilà, vous pourrez trouver. On raconte que il avait remarqué cette femme, et donc il a eu une petite aventure, mais voilà, sur les plateaux, il se débrouillait pour pouvoir la rencontrer. Bon, après, Léon dit, mais bon, c'est bien d'avoir une petite rumeur. Vous chercherez si ça vous intéresse. En dehors d'avoir contacté donc la ville du Cellier, j'ai contacté avant. Au début, j'ai pensé, je me suis dit, bon, musée. Le château donc qu'il a acheté, en fait, l'orangerie a accueilli pendant quelques années le musée, et puis faute de crédit qui devait arriver mais qui sont pas arrivés, le musée a fermé. Mais aujourd'hui il existe encore, sauf qu'il est à Saint-Raphaël, donc c'est pas tout à fait la même chose. Pas le même endroit. Et donc, non, j'ai, pas totalement. C'est sûr. J'ai appelé le musée pour savoir ce qu'on trouvait dans le musée. Donc, il y a énormément de choses. Et en cherchant photos, vidéos, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait sourire. C'est qu'on voit en fait un poulet, donc qui est très très bien fait, un faux poulet. Hein, et on voit une machine arriver sur le poulet, en fait, comme un espèce de moule. Et puis, quand le moule se relève, le poulet est grillé. Et ça fait penser à la malbouffe hein, de la loulakis. Voilà. Ouais. Instantanément, un poulet en plastique se transforme en poulet appétissant. Voilà, et c'est bien qu'ils aient reproduit cette petite machine amusante. Bon, sinon, vous allez retrouver les photos avec tous les acteurs hein, qu'il a côtoyés. Mmh. Dieu sait s'il y en a. Vous en avez parlé, vous avez très bien détaillé ce soir hein, que en fait, il y en a qui devaient prendre les rôles, qui sont décédés ou qui ont refusé. Et donc, ça fait d'autres rencontres. Et Dieu sait s'il y en a eu énormément pour notre plus grand plaisir. Moi, je voulais terminer mes petites brèves sur un film qui est un peu un ovni parmi les succès, on dira le moins grand de ces grands succès qui s'appelle Sur un arbre perché. Oui. Un film en fait qui a été écrit à la base pour être un peu filmé comme un drame en fait. Une espèce de huis clos dans lequel De Funès a un accident et se retrouve avec les autostoppeurs qui se sont imposés dans sa voiture. En fait, il se retrouve à tomber d'une falaise, mais il ne meurt pas parce que la voiture tombe sur un arbre qui a poussé dans la falaise. Miraculeusement, en fait. Il est là. Voilà. Sauf qu'en fait, la falaise est très très haute et qu'ils sont à mi-hauteur, si vous voulez, mais que ça reste très très haut pour ne pas pouvoir sortir de cet endroit. Et donc le film se passe principalement donc dans cette voiture qui est sur une branche et qui est à moitié bancale, bon voilà, et il y a trois personnages plus un chien qui a son importance aussi, voilà, sauf que De Funès, il était sur la comédie, donc il voulait que ça se termine bien, donc il a un peu retouché, alors je ne sais pas précisément, mais en tout cas il a demandé à ce que ça se termine bien, et donc ils vont se sortir de cette impasse, mais je n'aime pas particulièrement lorsqu'ils sortent. Je me dis que ça aurait pu effectivement très bien se terminer sur ces personnages qui en fait perçoivent au fond les vraies valeurs de la vie, hein, sont obligés de sortir de leur personnage habituel, de leur rôle habituel, pour percevoir vraiment déjà ce qui leur arrive, hein, où ils sont, et puis des vraies valeurs de la vie. Enfin, ça vaut le coup d'œil, je vous conseille, mais en se disant je ne vais pas voir ce que j'ai l'habitude de voir chez De Funès, sachant que oui, De Funès, on le reconnaît, vous l'avez dit à certains traits, à tel point qu'il y a un style De Funès, et que Claude Jansac, quand De Funès est décédé, elle a voulu continuer à faire du cinéma et qu'elle a eu beaucoup de mal parce qu'elle voulait retourner dans des rôles dramatiques qu'elle avait joué déjà avant de connaître De Funès, et on lui a dit parfois non mais c'est pas la peine, parce que vous allez nous faire du De Funès, c'est-à-dire qu'il se disait qu'elle allait faire du comique là où il ne voulait pas qu'elle en fasse, alors qu'avant d'être recrutée elle faisait du dramatique et elle le faisait très bien. Ah ouais, eh bien il nous a fait l'histoire, ouais. Très bien, oui, très belle histoire. Très belle histoire. On en est resté bouche bée, je crois. Hein. Oui. On a. Ouais. Bah, comme d'habitude. Eh ben, je recommencerai. Ouais. Je reviendrai. Je reviendrai sur Indestar. C'est la radio qui m'a donné. Ouais. Alors, c'est Robert Charles Lebois qui chante Je reviendrai à Montréal. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. J'ai presque envie de dire, il y a autre chose qui va te laisser bouche bée aussi. Ah. C'est ma prononciation en anglais, là. Oh, ah. Non, vu que là, je vois le titre. Bonne chance. Ah si, tu peux penser à un jeune footballeur norvégien. Tu veux pas que je le dise? Non, Erling. Ouais. Erling. Erling. Erling. Oui, mais ça va. C'est à le après le problème. Oh, ça va. C'est niveau 6ème, ça. Mais c'est pas le niveau 6ème. C'est même CE2, ça. Mais je l'ai pas, le niveau CE2. Dans tous les cas, je l'ai pas. Il a sauté des classes, mais à l'envers. Ouais, on a. Tu veux que je le fasse avec un bel accent? Oui, tu vas pouvoir le faire. Je voudrais juste faire une précision. Nous avons parlé de l'anglais de Funès. Mais tout au long de la saison, je crois que nous parlerons de l'anglais Kevin. Ouais, mais on a parlé de l'anglais Kevin, donc faut bien que je le fasse aussi. Oui, oui, mais je tiens à le rappeler. Oui, this is my passion. Ouais, bah je crois que... Ouais, je pense que Jade, ce sera mieux que moi. So, this is my passion. Yes. Alors, je vais pas influencer le chat, mais je trouve que c'était mieux de mon côté. Je vais pas influencer. Mais... À vous de juger dans le chat. Ça, ça dépend de ce qu'on veut. Ouais, ouais. C'est ça. Bah, écoutez, on a pour tous les prix. Le chat, on vous laisse juger et on revient après la musique. Voilà, en tout cas, c'est sur Indestar. On pense des fois à rappeler aussi qu'on est sur une star à la police. You can't wait for their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say everybody. L'agence touriste de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. J'adore quand Peak Avengers se lancent. Ah, tu l'aimes bien celle-là, hein, Daniel. Ah bah oui, c'est une de mes préférées, surtout que c'est moi qui l'ai trouvée alors. Et surtout que ce soir c'était sans accro parce que tu l'as réussi à la diffuser tout en entier. Celle-là, oui, oui. Ah bah oui, non mais je suis débutant là. Enfin, j'avais fait quand même mes premières armes sur la saison dernière, mais j'avais toujours un assistant plus calé que moi. Que là, on m'a collé Jade en assistante. Si, elle m'a fait remarquer que j'avais pas baissé le micro. Oui. Hein, oui. Mais bon, voilà. Pour faire remarquer, oui, c'est une bonne assistante. D'accord. Enfin, pour... C'est toujours utile. Voilà. Alors, d'après le chat Twitch, elle a un meilleur accent anglais que moi. D'ailleurs, je me suis plaint pendant la pause, vu que j'ai dit « Faudrait que notre bon président me mette modérateur. » Ça y est, comment c'est notre bon président hein. Et quoi, faut essayer de faire un peu... Je veux pas balancer, mais il a voulu ban quelqu'un. Non, temporairement. Ce n'est pas pareil, madame. Si, t'as voulu ban. Temporairement, ce n'est pas pareil. Évidemment, on déconne quand même un petit peu. Donc, on arrive à la fin et comme toujours, il va y avoir un petit jeu. Oui. Oui. Parce que ce soir, on n'a pas beaucoup joué. Bah non, je trouve qu'on n'a pas assez joué. Non, ça nous manque d'ailleurs. Ouais. Hein. Donc, enfin un jeu. On n'a pas déjà eu d'ailleurs, assez là. On n'a pas eu de jeu encore. Eh, bon. Chihuahua, il va arrêter. Bah non. Hein. Non, ouais. Ouais. Arrête d'aboyer. Et paf. Paf. Là. Il est en train de me tuer les oreilles. Mais tu vois ce que j'endure à force. Ah. Au secours, aidez-moi. Ouais. Donc, au secours, aidez-le. Bon, allez, vas-y, je dis donc, plus rien. On va jouer bah, forcément sur De Funès. Le chat Twitch, n'hésitez pas à jouer avec nous aussi. Vu que plus on est de fous, plus on rit. Mmh. Il paraît. Ouais. Oui. Donc, pour la première question. Oh bah tiens, c'est bizarre, tiens, on va retourner sur la grande vadrouille. Encore. Oh bah tiens, dis donc, c'est vraiment bizarre. Oh bah ouais, alors, hein. Dans oh bah dis donc, ouais, hein. Dans le film, on peut voir Louis de Funès assez souvent enfumer Bourville. Combien de fois il l'a enfumé pendant le film? 5. J'ai dit un nombre plus fort. D'accord, donc pour Jade, 5. Ouais. 75. Ah ouais. Ah ouais. C'est gros. À toi tu vises haut toi. Ah ouais non mais à mon avis il y a des fois qu'on n'a pas vu que j'ai compté. Oui. Ouais. Mais que j'aurais compté surtout quelques-unes. Ouais. J'ai failli balancer la réponse. Tiens Thierry. Je ne sais pas ce qu'on appelle enfumé. Est-ce que le moindre petit essai de... Ah, où il a voulu couillonner, je crois. Quelques dizaines entre ce que disaient nos camarades. Oh, les deux, voilà. Okay. Et Twitch. Donc, ouais. Et Twitch, pas de réponse pour le moment. Toujours non. Pas. Il se mouille pas, hein, Twitch. Ouais, hein. Donc, tiens. Hein. Tiens, paf. Tiens, on va un peu attendre d'ailleurs, ouais. Twitch. N'hésitez pas à nous donner votre réponse, à votre avis. Combien de fois De Funès a-t-il enfumé? Ils essayent de regarder le film, mais ouais. Vitesse 20 fois pour. C'est trop tard, là. Même en vitesse 20 fois. Voilà, je fais Taz. Non, mais t'as fait vitesse 20 fois, on a compris, ouais. Hein, ça. Alors, j'ai dit quoi, alors, si tu as compris? J'aurais pas dit mieux. Non, mais moins l'accent, parce que l'accent Kevin, il est connu maintenant, hein. Ouais. Ouais. Il y en a qu'un seul ici qui l'a, c'est moi. Bah, ouais. Bah, oui. Hein. Ouais. Tu peux donner un indice si le nombre est compris entre le mien et celui de Jad? Pour Twitch? C'est vrai qu'il y a un grand écart, non. Hein, quand même. Non, il est pas donné entre le tien et celui de Jad. Ah. Alors. Pour répondre, pendant ce temps-là, on va un peu meubler. Pour l'anglais, ça fait un partout. Ah bon ? J'ai quelqu'un qui m'a dit que mon accent était légendaire. Mais je ne pense pas que ce soit dans le bon sens. Ouais, ouais. Légendaire, oui. T'es pas sûr, tu t'es voté toi-même ? Il y a beaucoup de légendes avec des anti-héros. Hein. Oui, c'est ça. Eh ben nous, on a Kevin. Oui. Oedipe s'en est crevé les yeux. Alors, attendez, je mets la tête de Jade, vu qu'il y a eu un regard. Oui. Tu veux que je parle pendant tout le reste en anglais et après on en parle ? Bah tu peux toujours parler tout le reste en anglais, hein, ça va pas le déranger. Hein. Je peux, hein, après... Your English is magnifique. Yeah, I know. Magnified. Hey, Kevin, it's my English, it's not yours. You have apprend the learning the English with Louis de Funès? Yes. Yes, milord. Yes, milord. Oh, j'imagine quelqu'un qui achète la méthode apprendre l'anglais avec Louis de Funès. Donc, pour la réponse, donc c'était combien pas là, cher. Là, là on passe l'extrait dans les gendarmes. The... Pas deux, the. Donc pour la réponse, vu que Twitch n'a pas répondu non plus, j'en ai compté surtout trois grands en fait. Ah. Les chaussures. Ouais. Quand il commence avec les Anglais qui lui piquent ses chaussures, puis vous faites du combien? Du comme vous. Non, du comme vous. Voilà. Ouais. Le vélo. Quand le vélo de Funès il dérape ouais. Et que Bourville se retrouve à le porter comme un con. Ouais. Et c'est pas la seule chose qu'il va porter comme un con. Bah oui, après le vélo, il porte. De Funès, carrément. Ouais. Et justement, ce n'était pas prévu, ça, de base. Bourville devait s'arrêter pour que De Funès descende. Sauf que De Funès a dit « Mais non, mais je suis bien, là, en fait. Je descends pas, c'est mort. » Attends, bon, je peux le comprendre. Hein. Quand t'es bien, oui, que t'as pas besoin de marcher en plus. Ouais, c'est bien. C'est fatigant de marcher, quand même. Oh, oui. Bah, ouais, là, le pauvre, avec tout ce qui venait de tourner, il était fatigué. Oh, hein. Là, ouais. J'ai des points de côté en faisant 2 mètres. Il a un peu un comportement à la Benny Hill, hein, mais c'est un peu inversé, parce que là, c'est Bourville qui est plus grand que lui, alors que dans Benny Hill, le petit... Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais se comporte comme ça, il tape sur la tête aussi. Hein, ouais. Il maltraite. Hein, Exact. Pour Twitch, ils nous ont départagé, Jade. Ils ont mis deux accents légendaires dans la même émission. J'ai... C'est quand même beau. J'ai les devant moi, là, ouais. C'est quand même beau. Ouais, c'est beau. Mais ça me plaît pas, Mathieu nul. Donc et ça, ça fait la mythologie. Eh ben, ça c'est beau, hein. Ouais. Ça. Donc pas deuxième question, on va aller voir du côté du cornio. Okay. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va voir chez moi. Au secours. On n'a pas dit le cornu, le cornio. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc dans le cornio, Bourvil va conduire une Cadillac un petit peu partout, mais la Cadillac va être un peu traficotée. Où est-ce que l'or de la Cadillac va disparaître? Dans quelle ville? Dans une ville du sud de l'Italie. Oui. Ouais. Venise. Non. Du sud, non, là, je n'ai plus donc, presque. Je pense que je vais laisser Jade répondre en première, vu que je pense que Daniel et Thierry doivent avoir la réponse. Mais moi, j'en sais rien. Vu la grimace à Thierry. Franchement, hein, il y a... Ah, Thierry, tu ne l'as pas? Comment dire que moi j'aime beaucoup les films des gendarmes. Mais... Je commence depuis peu l'italien et la prof a pu se rendre compte que moi et la géographie. C'est pas bon. Alors, ça fait comme moi et l'anglais, c'est ça? Ah non. Non, il prononce bien les noms en géographie. Alors, je vais pas donner de ville parce que voilà, je vais dire là où il y a le talon. D'Achille. C'est la ville d'Achille, c'est le talon d'Achille. La botte d'Italie, le talon. Ouais, bah c'est une botte l'Italie. Voilà. Hein, mais c'est pas une ville. Oui, mais je m'en fous. je donne une région. La botta. La botta d'Italie. C'est soit le talon, soit la semelle. Je dis pas plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, non, dans toutes les villes creux. En Italie, t'en as pas une à me dire. Bah Rome. Voilà. Ça y est, elle est au Rome. C'est tout. Et toutes les routes mènent au Rome. Voilà, ouais. C'est pas à Rome. Ouais, mais justement, c'est ça le... L'astuce. C'est ça l'astuce. Voilà. Aïe, aïe, aïe, Oscar. Donc, pour toi, Thierry. Non, non, c'est pas du de Funès. C'est quoi? Quoi? D'accord. Donc, Joker, c'est ça? C'est une ville. Je m'en fous. C'est une ville qui commence par N. Oui. Par Na. Oui. Narnia. Et qui termine par Naples. Non, c'est pas Narnia, non. Les Napolitains. Ouais. Vu que comme dit Bourvil, les Napolitains, je dirais partout que les Napolitains sont honnêtes. Forcément, le mec, tu le vois partir avec deux valises remplies d'or. Ouais. Bon. Qui va taxer les pare-chocs sur une autre Cadillac. Oui. C'est fou. Ouais. On va aller du côté de Scotland Yard. Donc, Fantomas contre Scotland Yard. Ok. Comment s'appelle l'opération visant Lord McCrashley? Vu que dans le film, il y a une opération où Fantomas va monter un coup. Mmh. Non, c'est pas Fantomas, pardon, c'est sa femme qui va monter le coup pour viser Lord McCrashley et le tuer. Bah non, Comment s'appelle cette opération? Je l'ai pas là. Ah, je sais plus. Alors, je vous donne un indice, c'est un chien déguisé en renard. Ah, Artaban. C'est le nom du chien. C'est pas l'opération Artaban? Non. Merde. C'est quoi alors? C'est Épervier. Ah! Qu'ils l'ont appelé. Qui est un nom qui a été utilisé aussi dans la réalité. Très souvent, ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est mais ça. Mais je m'en rappelle même pas là. Alors je vais pas te mentir, je m'en rappelle. Et également parce que bon, j'ai recherché. Ouais. Mais aussi parce que j'ai vu le film pendant que j'étais seul. Oh là oh là, là, là, là, là. Et lui en fait, quand il est seul, il fait que de regarder du Louis de Funès. Y a non, pas toujours. Non, il se fait des films. Aussi. Peut-être qu'il s'entraîne. Nah, et paf. C'est pour ça il que il a un problème avec le paf. Mouche, ouais. Toi. C'est le paf qui a un problème avec. Non, c'est le paysage audiovisuel français. Ouais, je crois qu'il est bugué, oui. il est bloqué sur ce. Et paf. Voilà, il est bloqué dessus, je crois. Donc, après on va aller faire un petit tour dans un restaurant. Ouais. Dans le grand restaurant. Oui, comment ouais. S'appelle justement le restaurant? Oh là là. Ça avec, je sais. Avec je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. En blaguant. Ah oui. Ouais. Il a d'ailleurs un plat qui a un soufflé aux pommes de terre, je crois. Thierry a une tête à l'illusion. Ben moi, je te dirais le nom Tricatel. Mais... Non, c'est l'autre. Ah, j'allais dire ça. Ils vont manger chez. D'ailleurs, qui est tiré d'une pièce de théâtre, je crois, ce film. Oui, il se peut. Ouais. Alors, pour le chat, on me dit qu'on n'en a vu que deux, alors ça dépend lesquels tu as vu après. Bah après, moi je pense que. Je crois que c'est sûr, il a dû voir les gendarmes. Alors j'en profitais pendant que vous étiez en train de galérer en fait, c'est surtout ça. Mais moi j'ai dit ma réponse, mais c'est pas bon. Oui, non, c'est, allez, je vais la donner, c'est chez Septime. C'est ça, oui. Voilà. Qui, voilà. Où il y a aussi des scènes gags qui sont, qu'on n'a pas évoquées, mais il y en a qui sont. Ah. Ouais. Bah, tout à l'heure, t'as parlé de la porte où il est refermé. Voilà. C'est... Ouais. Je crois que c'est là-dedans où il y a un gag avec de l'eau aussi. Oui, pas l'eau pétillante. Si, un truc comme ça, mais. Il me dit, moi, je veux pas pétiller, c'est pas. Peu, peu, peu, peu, peu, peu. Ah oui, voilà, oui. Ça... Ouais, c'est celui-là qui a ça, oui. C'est bien ouais. dans celui-là, oui. Il y en a, trois, ouais. en fait, dans ces films à force. Et en plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il arrive à ne pas se répéter. Oui. Même si des fois, comme là, il y a des répliques qui reviennent, t'as pas l'impression de voir les mêmes. Ouais. C'est ça, ouais. On va continuer avec l'aile ou la cuisse. En ce moment, les gens mangent le blanc. Oui. Donc, alors, personnellement, je ne mange que du blanc aussi. Donc, moi aussi. Alors, pour le côté pratique, je mange la cuisse, mais pour le goût, je préfère l'aile. D'accord. Voilà. Et toi, Thierry, avec ton avis sur ce débat, je m'en fous. Justement, je l'attendais. Donc, qui est Charles Duchemin dans le film? Qui joue le rôle de Charles Duchemin ou quel est le personnage? Ouais. Quel est le personnage? Ouais. Ah ouais. C'est soit Monsieur Go, soit Monsieur Millot, on va dire, en équivalent. Vu qu'il est critique. Ah oui. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Je laisse un peu de temps à Twitch s'ils veulent répondre. Le fameux critique qui enlève les étoiles et qui va le payer très cher. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Et qui va bouffer un truc, des trucs immondes. Oui, ah, oui. Et Claude va dire. Excellent d'ailleurs les explications du tournage pour mettre les boutons entre les prises parce qu'il a des boutons qui lui poussent et époque. Ah, mais ouais. C'est un peu comme les sketchs des Inconnus. Ouais, de toute façon, il y a trop de sketchs dedans. C'est... Ah, mais ça. On peut les prendre comme des films qui apparaissent film à sketch. Hein, il y a des fois. C'est ça. On peut voir. C'est vrai, on peut le découper comme ça, ouais. Oui, ouais. Donc c'est un guide gastronomique qui est très attaché à la cuisine française, mais la traditionnelle en plus. Absolument. Ouais, et ça finit, il devient académicien, c'est ça, à la fin du film, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais. Un conservateur sans conservateur. Absolument. C'est ça, voilà. C'est totalement ça. Voilà, bio, très biologique, voilà. Et pour finir, on va aller faire un tour du côté du petit baigneur. Ouais. Oula. Comment s'appelle le bateau des chantiers Fourchaume? Oh putain. Oh là là. Non mais moi je t'explique, j'ai vu des extraits, j'ai pas vu tous les films en fait. Ça va pas beaucoup m'aider. Comment ça, t'as pas révisé ton de finesse avant de venir? Hein? Aïe. Non mais. J'ai dit que j'ai regardé Les Gendarmes cet été, c'est déjà. Tu me les regarderas 10 fois et paf! Ah ça va. Attaché sur une chaise pour 24 heures du Louis de Funès. Avec des allumettes pour tenir les yeux ouverts. Je vais te faire l'œil de biche. Tu vas nous faire ma biche. C'est ça. Oui, alors, oui, ça a un nom. Qui donne l'impression que c'est un bateau extraordinaire. Oui. Titanique. Ils nous ont fait une Titanic avec l'insubmersible. Ah, c'est l'insubmersible? Non. Non? Non, mais dans l'idée, c'est la même chose. Ouais, c'est le. C'est pas le Vaillant, c'est pas non. le. Ah, bah, je retrouve pas. C'est ballon. Dis ma biche, tu retrouves? J'espère. Non, elle retrouve pas. Bah, elle retrouve pas. Bon. Bon, bon on retrouve pas. C'est et Twitch, hein, et Twitch l'a pas retrouvé non plus. Non, Twitch non plus. Vous pouvez nous aider, Twitch, un peu quand même? Non, je dirais pas qu'il nous aide. Alors, je viens de recevoir un message, on m'a fait punaise, elle est dure cette question. Bah, c'est vrai que, tu demandes quand même un truc assez précis, hein. Bah, justement. Bah, quand tu poses une question. Tu notes en plus. Mais on imagine très bien quand on brise la bouteille de champagne qu'on doit voir le nom en gros. Voilà. Ouais, il brise à peu près l'endroit du nom c'est en plus. Que je l'ai dit à Daniel tout à l'heure, j'ai fait comme de finesse pour le quiz. Il n'y a aucune proposition, il n'y a que dalle. Vous vous démerdez. C'est horrible. Bah, comme de finesse. Moi, j'étais sympa. Moi, je vous ai donné des propositions, moi, des questions. Un peu. Mais t'as été plus sympa sur l'ensemble. Bah, merci. Oui. Daniel. Ouais. Si je te dis l'increvable. Ah, c'est lui. Oui, c'est lui. Ah. Alors, moi, je veux voir ta tête. C'est là, marrant, c'est paradoxal. Il y aura un bateau par rapport à une voiture. Là, ouais, incroyable. Oui. C'est vrai que quand j'ai vu le nom, j'étais gamin la première fois que je l'ai vu. Et je me suis dit, ils ont mis des roues. Eh ben non. Bah pour la remorque, oui, à la limite, pour ça l'emmener. Ça voulait dire que le bateau était solide. Quand c'est un bateau à roues, mais non. Tant qu'on ne l'avait pas mis à l'eau, il était solide. Il était increvable. Mais après... Ouais. Eh ben, la submersible, l'increvable, la... voilà. Oui, ça va. Oui. Oui. Et pas. En cas de choc avec un iceberg, ben on change de la roue de secours, quoi. C'est ça. Au moins, on a de quoi réparer. Oui. Une roue à aube. Ah ouais, pour un bateau, ouais, très bien, en effet. Oh, pourquoi pas, ouais. On dessaline en même temps qu'on coule. Et en même temps, on ramasse les sacs plastiques, c'est bien. Hein. Oui. Bah, il faut quelqu'un après pour les enlever de... On peut le faire avec de la musique, quand même. C'est possible, je... Ouais, c'est mieux de bosser, quand même, avec de la musique, si on a des choses à faire, quand même. Ouais. Ouais. Donc... On va écouter quoi ? Oh, merde. Donc, Amora Boy, Sweet Crazy Things. Things, pardon, mais qu'il n'y a pas de S. Non, il n'y a pas de S dans le titre. Non. Mais par contre, c'est sur Indestar. P-E-2-N-Y-P. Mon nom à moi c'est Benny B. Oui, tu l'as deviné. Comme toi, je veux la justice. J'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant ma fréquence. Où la PJ est passée trois quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Je vois dans la rue tous ces jeunes qui errent, qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces personnes ne savent pas qu'il reste encore une chance. Sinon n'ont rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. On sait à tous ces bailleurs que le mauvais fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens plus fort. L'arme fatale de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu peux l'aimer ? Alors par contre, il me semble qu'on entend quelque chose dans le fond. Oui. Ouais. Alors, non, je pense qu'il faut que tu mettes en pause. Allez-y. Allez-y. Par contre, oui, moi j'ai... Oui. Alors, une émission sans fail, le... Ça ne peut pas marcher. C'est une fin en fanfare. Ouais. C'est ça. Oui, puis bon, pour conclure, c'est pas mal d'avoir un petit peu de fail de temps en temps quand même. Oui. C'est quoi, ouais. On peut pas toujours entendre you ouais, ouais. Win, non, you mais, fail. Ouais, ouais. Ça non, mais en fait, c'est que oui, j'ai oublié de faire un basculement. Ah. J'étais parti tellement en train de discuter avec vous pour voilà, et puis j'ai oublié de basculer, j'ai oublié de. Oh. Voilà. Ah, bah, bravo, n'est-ce pas? Prends une chaise à bascule la prochaine fois. Bravo, Daniel. Je te félicite pas quand même. Tiens, regarde, je mets la caméra sur toi et dis pardon. Voilà, tu peux. Pardon. Le petit enfant. Je l'ai pas fait exprès. Ouais. Bon, pour moi, ça passe. Je sais pas pour Twitch si ça passera, peut-être. Mais moi, ça passe en tout cas. Je l'ai pas fait exprès. Alors là, t'as plus la caméra, par contre. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Complètement. Je trouve que ça résume bien, en plus. Ouais. Hein. Ouais. L'émission, je m'en fous. Ouais. Voilà. Mais parlant de l'émission, vous savez que... Bon, enfin, c'est peut-être pas, pardon. Louis de Funès, c'était quelqu'un qui avait toujours plein de projets en tête. Oui. Et il y a beaucoup de projets qui, dans lesquels il s'était plus ou moins lancé, qui n'ont jamais abouti. Ah ouais. Ouais. Ah, pour Twitch, tu es pardonné aussi. Ah, merci. Bah, merci. Alors, déjà, il a été freiné par ses attaques. Hein, ouais, par la maladie, oui. Ouais. Ça donnait raison à la mort, on va dire. Quoi, hein, mais non, il a été freiné à la première attaque. Hein, on lui a dit, attention, faut pas continuer sur ce rythme. Complètement. Oui, bah oui, alors, ça. Sur les gendarmes, il y a eu plein d'idées où il y a eu au moins des synopsis de faits. Il y a eu donc le gendarme, alors ça c'est dans les années 60, c'est tout à fait logique, gendarme en Union soviétique, le gendarme au Japon, la brigade de Saint-Tropez devait retrouver la Joconde mystérieusement disparue. Et il y a eu aussi le gendarme à Genève, le gendarme à Bethléem, qui a quand même donné lieu à un conte radiophonique, où Louis de Funès interprétait le maréchal des logis chef Asmael. De la police montée palestinienne. C'est quand même moins bien que Cruchot. Ouais, quand même. Et il était sous les ordres de l'adjudant-chef, Zachary. Voilà. Ouais. Autrement, il y avait le gendarme à Mexico pendant les Jeux Olympiques d'été, et même le gendarme, le fantôme du gendarme de Saint-Tropez, ou gendarme à l'exercice. On va le faire revenir pour oui, le Halloween. Oui, donc oui, il y avait quand même ouais, complètement. On va appeler son fantôme. Ouais, il y a eu... Il devait aussi jouer à l'origine dans Papy fait de la résistance. Bon, hélas, il est décédé. Il devait faire soit le rôle du papy ou du demi-frère d'Hitler. Sa femme a résisté plus longtemps. Vous savez que Jeanne, elle est morte à 103 ans. Et belle. Sa femme a vécu beaucoup plus longtemps. D'accord. Elle fait plus long que d'accord. Elisabeth. Ouais. Elle a battu. Elle a battu, ça y est. Ouais. Ouais, Elisabeth a essayé de battre, mais elle n'a pas réussi. Non. Ouais. et aussi, il avait de prévu un film avec les Charlots dans les années 70. Ok. Voilà. C'est d'accord. Parmi ce qu'il y a, il y en a quelques autres, mais voilà, c'est ce qui m'a quand même marqué par rapport à ce qu'il y avait. D'accord. Bah, je trouve, moi, tiens, qu'on pourrait se laisser sur ces infos-là. Ouais. Ouais, par exemple. Ouh, ouais, vu que c'est pas mal quand même. Pour une fois. Un petit goût d'inachevé. Oui, bah oui, parce que oui, voilà. C'est. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue. Ouais, ouais. Aïe, aïe. Complètement. Et c'est un peu finalement la carrière de Louis de Funès. Là, bah, malheureusement pour elle nous. Inachevé. Ouais, quelque chose d'inachevé. Complètement. C'est beau quand même. Hein. N'est-ce pas presque. Ouais. Donc, évidemment, bah, c'est la fin de cette émission. Ça y est. Merci à Twitch d'avoir été actif aussi, quand même. Il ne faut pas les oublier. Merci à tous les viewers, déjà. Ouais. Voilà. Déjà, parce que vraiment, ça nous fait plaisir de partager. Voilà. On aime bien passer de bons moments et on les partage et voilà, ça c'est et apparemment c'est de ce que vous en dites, vous passez un bon moment aussi, ouais. Donc on est encore plus heureux. Absolument. Donc on vous remercie d'avoir été là ce soir. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on se retrouve à même heure, même jour pour Peak Avenger, où on va parler de divertissement sportif. Ouais. Il me semble qu'avant il y a des émissions, non aussi? Oui, il y en a une demain soir. Il y a une spéciale demain soir. D'accord. Ça va être un débat. Je sais que il devait y avoir une rediffusion de la classe mercredi prochain, mais comme elle a été décalée, vu qu'il y a eu des malades. Ça devrait être tous les 15 jours, hein, ouais, je crois. Mais il y alors en a je... une qui est faite après les rediffuser 15 jours après. Ouais, mais je sais pas ce qu'ils ont décidé là à ce niveau-là. Ils nous en ont pas parlé. Mais si vous avez raté les émissions d'Indestar, vous pouvez les retrouver en podcast sur indestar.fr, y compris le Twitch. On peut revoir le Twitch. Twitch. Et on peut revoir cette émission également en rediffusion sur Twitch. Avec mes belles chemises hawaïennes. C'est ça. En compagnie de Pika et Bébert. Oui, et si vous êtes curieux de ce que fait Indestar, eh bien, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de vidéos que vous pouvez retrouver sur les YouTube, entre autres. Oui. Notamment une qu'on a fait là sur, qui est maintenant en ligne. Le Weekend Nord Norm, où on a été filmé... faire un reportage sur Élie Pichard, qui est un artiste Indestar, qui était passé au mois d'avril dans l'émission, justement. À Panzou, à 13 km de Chinon. Voilà, exactement. Et il se trouvait que son cousin, qui est viticulteur, a fait une journée, on va dire, hors norme, et on a fait un reportage. Et maintenant, voilà. Il est disponible sur la chaîne YouTube. Et on vous réserve une autre surprise pour début novembre, qui est complètement là dans la pop culture. Aussi là, parce que là bon, il y a un côté la fête hors norme, donc le côté viticulteur, mais là on vous réserve aussi une sacrée surprise au niveau vidéo qui sera une sacrée soirée. Voilà, en d'autres mots, il faut suivre les réseaux Indestar. Voilà, ouais. complètement. Donc on va vous laisser sur First to Eleven, Give You Hell. Mm-hmm. C'est bien, je l'ai bien prononcé. Ouais, non, mais tout à l'heure, on m'a dit que mon accent, c'était incroyable cette fois. Pika. Arrête. Ça fait 2-1, Jade. Donc j'ai gagné sur la soirée. C'est ce qu'il faut retenir. Moi, j'ai gagné. Non, mais je le soupçonne d'avoir censuré les autres ou de prendre nous les avoir dit. Ouais. Non, je suis pas encore modérateur. Non. J'ai pas pu. Ouais, mais comme nous, on voit pas, tu peux. Tu peux très bien mentir. Tu peux très bien en omettre. Mentir par omission, j'avais entendu ça, je sais plus où. Tu mens par omission. Nous, c'est par émission. Oui. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de divertissement sportif. Bonne soirée à tous, puis à la semaine prochaine. Des bisous. Salut. Ciao. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.